Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 45e numéro du podcast du collectionneur. Salut. Buenas tardes, señores y señoritas. Ah oui, déjà numéro 45. Et... Donc, on rappelle toujours la moitié de l'âge de Belle. Voilà, ce qu'on disait. Toujours. Oh là là. Voilà. J'entends tout le temps la même. Et ce soir, pour. On va parler d'une chose qui est context sensitive. Ça veut dire que c'est ça. Lié au contexte. Donc on va profiter de la ressortie de Shenmue 1 et 2 en version HD pour parler de la carrière de Yu Suzuki. Et accessoirement aussi de l'annonce de la date de Shenmue 3. Oui. qui sera peut-être tenue ou pas, on ne sait pas. Et vous avez remarqué, c'est pas moi qui ai trollé le premier. C'est étrange. Non, bah, pour l'instant, ça va. Enfin, Yu Suzuki, ce n'est pas que Shenmue. Bah oui, c'est voilà. Ce que nous allons voir. Ah oui, et c'est pas parce qu'il est tout vieux et tout déboussolé maintenant que ça n'a pas été un grand monsieur. C'est là où on va voir en fait de comment il est passé d'un des meilleurs ingénieurs de chez Sega à grand-père Simpson. Ça va être triste. Attendez, parce que ça fait pas une minute qu'on est en live. Calmez-vous. Non mais c'est vrai, non mais... Pardon. En prenant des notes cet après-midi, j'ai dit mais putain en fait c'est vrai quoi, il y a eu des bons trucs, pourquoi c'est devenu ça mais, calmez-vous. Pardon. Allez, on enchaîne. C'est promis, dès l'instant où on va troller Boss Dick et moi, on parlera comme grand-père Simpson, comme ça. Je dis rien, moi je suis plus là. C'est terrible. Ils sont terribles. Mais avant, sur le coup, on va évoquer... Ah oui, pardon, j'allais dire, je l'ai oublié. Et à la fin du podcast, c'est Monsieur Chou aujourd'hui qui nous présentera un jeu de son cœur. Enfin, comment dire, c'est moi qui ai hérité de cette noble tâche par défaut, parce que bon... Oui, c'est ça. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est que personne ne sait de quoi tu vas parler. Il est arrivé, ouais, il a dit, au fait, qui c'est qui fait un jeu? Et on a dit, bah, toi, du coup. voilà. Donc, quelque part, en fait, c'est un peu le principe. J'aurais dû la fermer. Ça va prendre. C'est celui qui, sans qui dit qui fait. Voilà, exactement. Mais avant, donc, on va parler des news. Et les news, eh ben, cette semaine, l'air de rien, il y en a eu. Parce que, l'air de rien, eh ben, on est back to the 90s. Avec, ben, j'ai envie moi de commencer par les annonces surprises auxquelles on a eu droit récemment. Déjà, d'une part, une suite à Windjammers qui a popé d'absolument nulle part, qui va se... Non, mais... ça fait plaisir à Monsieur Chou. En fait, c'était un râlement de plaisir, parce que pour le coup, moi, je l'attends, ce jeu. On l'a compris comme ça. Mais vraiment, c'est même pas un sarcasme, je suis hyper hypé, en fait. Bah, alors, on n'a pas vu grand-chose. Hein, oui, il y a quelques photos qui ont circulé du jeu... Mais surtout, c'est l'improbabilité de se dire Windjammers 2 qui sort les deux nulle part. Ça vient de nulle part, mais genre... Ouais. Oh là après, là. Si, le premier Windjammers avait toujours son bon succès d'estime. La version PS4, finalement, a plutôt très bien marché. Bah, le il est arrivé à l'Evo. Hein. Le jeu commence à se retrouver dans les compétitions officielles. Et donc, sur le coup, il y avait une brèche. Et quelques petits accords plus tard, on se retrouve avec une vraie suite officielle. Et ça, c'est cool. Alors, même si, évidemment, on n'a pas encore de vraies précisions sur quand ça va sortir. 23 octobre, non ? On a une date. Et 15 balles ? C'est pas ce que j'ai entendu. Après, je me trompe peut-être, hein, mais il m'a semblé que c'était exclu, enfin, entre guillemets, console, exclu Switch et PC, que c'était fin octobre et c'était genre 15 balles. 14,99, non ? C'est ça, c'est le 23 octobre 14,99, donc tu vois, t'étais encore allé plus que moi dans les news, je n'avais même pas vu. Oh, ça va trop vite. Non mais en fait, quand ça a été annoncé, pendant 2 jours, je regardais tout ce que je pouvais trouver sur le jeu, donc voilà. Je l'ai mis d'ailleurs sur ma liste de choses à acheter pour fin octobre, donc c'est... Ouais. Ah bah c'est super. C'est pour dire à quel point je suis au taquet. Voilà. À part ça, dans la série qui reviennent aussi, donc nos amis Tojem and Earl renaissent de leurs cendres. Ah, j'ai pas vu ça, c'était prévu depuis un sacré moment, hein, quand même. Oui. Ouais, mais tout le monde avait oublié Toja Manor. Il n'y a pas eu un Kickstarter ou un machin comme ça, non ? Il y a eu un financement participatif, ouais. Et là, ça y est, manifestement, le jeu est prêt. Donc, un mini sous-collector, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Dans ce... J'ai vu une belle boîte Mega Drive passer. Mm-hmm. Une belle fausse boîte Mega Drive. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, sur le coup, bah, c'est bien. Je veux dire, je ne sais pas si le jeu va être bien ou pas. Toja Manor, c'est vrai que on en parlait cette semaine, a peut-être pas jamais eu le succès réellement d'un jeu. Enfin, c'est plus un succès d'estime quelques années après, des gens qui s'en souviennent. Ou, en tout cas, ici, en Europe, c'est pas des jeux qui ont connu énormément. Ouais, parce qu'aux États-Unis, c'est... Ce qu'on en disait, c'est qu'aux États-Unis, les jeux sont nettement plus connus, comme je dis, notamment le troisième épisode sur Xbox, qui est quasi inconnu en Europe, mais qui est bel et bien, les gens, si vous le trouvez un jour. Toja Manor 3 sur Xbox, c'est quasiment un remake en 3D du premier. Alors, ça vaut ce que ça vaut au niveau jouabilité, hein. Il était sorti en boîte. Oui, il est sorti en boîte. Mais vu le prix qu'il coûte, franchement, il coûte presque rien, mais en même temps, personne ne le veut. Ouais, mais je l'ai jamais vu, le jeu, en fait. C'est étonnant. Voilà. Et donc, sur le coup, voilà, c'est le retour de la licence Toja Manor. Et enfin, la dernière annonce méga surprise de la semaine. C'est évidemment le retour de Streets of Rage. Alors ça sortait encore plus de nulle part que Windjammers. Celui-là... Encore Windjammers, bon, tu pouvais encore un petit attendre. Le jeu a été remasterisé. Il y a eu les tournois à l'Evo. Bon, ouais, c'est ça. Voilà, il y a une petite scène de joueurs vraiment actifs sur le jeu. Coucou à la communauté Windjammers France, voilà, par la même occasion. Ouais. Et pour le coup, la Street of Rage, moi, quand j'ai vu ça, sur le coup, j'ai pensé à un fan game. Mm-hmm. Et totalement. Par contre, ben, niveau info, on n'a rien. Hein. Dotemu a véritablement cherché un vrai accord avec Sega, c'est une vraie suite tout à fait officielle. Mais avec le logo Sega, de toute façon, sur la bande-annonce, hein, c'est officiel. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que donc c'est Dotemu qui se charge d'une partie de la programmation et du design, que la bande-annonce qu'on a vue avec les personnages qu'on a vus, ce sont des dessins de Ben Fike, notre ami qui était déjà à l'origine du remake de Wonder Boy Dragonstrap. Et ça a été fait par Balak aussi. Les animations. Les animations ont été faites par Balak. Ouais, mais pour la bande-annonce, je suis pas sûr que ce soit. Que pour la bande-annonce, ouais. Ils l'ont dit. Ouais. C'est pour la bande-annonce, comme ils ont fait avec. D'ailleurs, Balak a fait avec Dead Cells. C'est eux. Ah, j'étais pas au courant. Ah, j'étais pas au courant de ça. C'est eux, d'accord. La bande-annonce de Dead Cells animée qui est super aussi. Enfin, voilà. On a un design qui fait parler, mais qui est-ce qu'il y a ? Après, on n'a pas encore le jeu entre les mains. J'ai chronométré, on a vu 3 secondes de gameplay. Ouais. On verra ce que ça va donner, sachant que moi, je suis toujours un peu... je me dis, un beat them all en 2018, en termes d'intérêt... Ça dépend comment c'est fait. Voilà, ça dépend comment c'est... On va voir comment après, n'oublie pas que tu as aussi les développeurs de Street of Fury qui s'en occupent. Et donc, ça, c'est l'autre partie qui nous fait un petit peu plus peur tout de suite. Ça me laisse un peu plus dubitatif aussi. Ouais. Tu peux dire ce que c'est Street of Fury pour les gens qui... C'est pas. Un beat'em all avec des personnages, des youtubeurs célèbres digitalisés. C'est ça. Oh mon dieu, j'avais oublié cette dub. Oui, c'est le jeu avec Bob Lennon, Bob Lennon, Monsieur Karaté. J'avais oublié cette chiasse. Bon, le problème, c'est qu'ils sont quand même dans l'histoire. Donc là, on a fait un peu. Ah tiens, bon, ok. Non, mais la collaboration est. Étonnante, véritablement étonnante, je suis. Mais on verra, honnêtement, faut vraiment attendre d'en voir plus en termes de jeu. Bon, après, c'est que le style graphique, hein, que j'aime pas. Après, le genre lui-même, j'y ai jamais joué. C'est juste que le concept de foutre des youtubeurs, mettre ça dans un beat'em up, je trouve ça un peu naze. Ah oui, Street of Fury, ouais, j'ai jamais testé non plus, mais ça a l'air bizarre. Ouais. Mais, oh, ouais. Pas plus qu'autre chose. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand même. Fin... On se rend compte aujourd'hui que ce sont des vraies licences officielles dont on donne des vraies suites autant d'années après. Et finalement, on a une réponse à une question qu'on se pose depuis plusieurs années. C'est, mon sang, mais pourquoi est-ce que certains éditeurs ne ressortent pas certaines grandes licences aujourd'hui où finalement il y aurait un public pour ça? Ben, la réponse elle est simple, c'est qu'apparemment, il faut leur faire les jeux en plus. Ouais. Il faut juste aller les voir pour leur demander d'acheter la licence. Ils vendent leur licence, donc sur le coup, ils gagnent de l'argent sans rien faire derrière. Et après, c'est aux équipes de développement à se démerder à faire les choses bien. Il y a des gens qui y croient, manifestement, que ce soit, voilà, puisque donc Dotemu, notamment, que ce soit pour Windjammers 2 ou pour Streets of Rage 4, ils y croient, ils ont envie, et ça fait vachement plaisir, et ça fait d'autant plus plaisir qu'on puisse dire Cocorico derrière. Ah ouais, et honnêtement, je l'attends vraiment, hein, Streets of Rage 4. Voilà, j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Alors, il y a eu un espèce de mini débat, oui, je vois Yolo qui en parle sur le style graphique. C'est surprenant de voir la Wonder Boy Touch dans un jeu comme ça, mais faut voir comment ça bouge. On a vu que 3 secondes. On peut pas juger. Le nouveau design du héros, moi je trouve trop stylé. Hein. En mode je vais casser des gueules. Le daron qui va casser des tronches. Ouais, ouais. Il y a des gens qui considèrent qu'il ressemble à un clochard. D'ailleurs, Balak a fait un truc là-dessus. Et ben, il peut ressembler à un... Moi, je trouve qu'il a vachement de la classe, ce clochard. Il peut ressembler à un clochard, mais tant qu'il casse des gueules, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça, et le nouveau design de l'héroïne, je trouve qu'il n'a pas tant évolué que ça, si. Je sais pas... Bah, moi, je l'ai trouvé trop... Trop... pas assez vieilli, comme... Ouais, comme ouais, c'est ça. Et il manque son train de beauté, aussi. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà quoi. Mais, donc voilà, mais bon, on verra, voilà. On n'en a pas vu assez, sait pas, voilà. C'est des petits détails. Ouais. Tu sais, Beyond, hein, tu parlais d'éditeurs qui ressortent d'anciennes licences, hein, on en a un qui est champion du monde pour ça. Capcom. Onimusha. Ah oui, celle-là aussi, on l'avait pas vu venir. Hein. Ça, c'est un truc de ouf. On a parlé il y a 15 jours. Bim. On en a parlé il y a 2 semaines. En disant, est-ce que les gens ont apprécié Onimusha? Est-ce qu'il y a un public pour ça et tout? Boum, Capcom qui... Ils nous écoutent. Mais, oui. Non, mais Capcom, on le sait depuis longtemps qu'ils écoutent le podcast du collection. Mais alors, par contre, Capcom, c'est une autre philosophie. Hein. C'est en mode, ah oui, mais attendez, on vous reprend le jeu PlayStation 2 tel quel. C'est ça. Et démerdez-vous. Il sera non. Tout seul. Hein. Alors, vous avez pas compris, vous êtes médisant. En fait, ce qu'ils font. Non, mais je vous explique. Parce que c'est fin, en fait, Capcom. Faut lire entre les lignes. C'est en gros, ils vont te reprendre le jeu de la PS2. Ils te le balancent tel quel. Et si ça se vend, peut-être qu'ils feront un trailer pour annoncer un jeu et peut-être qu'ils mettront en développement. C'est ce qu'ils avaient fait avec Darkstalkers. Ouais, d'accord. Sauf que là, voilà. Je vois peut-être plus ce truc de faire un produit d'appel pour le premier remaster et si ça se vend, te lâcher les autres. Ah, le problème, c'est que là... Il y en a trois autres derrière. Ah, mais le problème, c'est que là, j'ai envie de dire produit d'appel... Bah, pour moi, ça sera jamais un produit d'appel. C'est pas si. Enfin, tu vois, moi, je suis client de ce genre de ce type de jeu, mais là, voir ça. Ouais, mais c'est un jeu d'époque. Bah, je préfère lâcher sur PS2, en fait. Quoi. Bah, enfin, ouais. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est un jeu qui se trouve facilement. Onimusha, c'est pas un jeu rare. C'est un jeu qui se trouve facilement et un prix minable. Donc. C'était complètement contemporain à Shenmue, ça, en plus, hein, Onimusha, quoi. En même temps. Hein. Aussitôt 2000. C'est quoi ça? C'est 2001, hein, Warlord. 2001. Ouais, c'est que je suis en train de regarder ça. Ouais. Donc, c'est rigolo, quoi. Il ressorte. C'est peut-être le début d'une série, quoi. Qu'est-ce qui est sorti en 2000-2001? Vous allez voir. On va tous les revoir. Non, mais après, Capcom, ils sont coutumiers du fait. Comment il s'appelait le jeu sorti sur PS2? FF10? Non, quasiment lancement, un jeu Capcom qui avait fait un flop avec le groupe de Single Blade. C'était Squaresoft et c'était The Bouncer. Mais non, oui, il y avait ça. Non, on parle Capcom. Comment il s'appelle ce jeu? Ah merde. Ah, ça me saoule. Jamais j'arrive à me souvenir de ce que je veux. Et c'est, voilà. Non, parce que là, je vois pas. Ils ont sorti quoi, Capcom, au lancement? J'ai quasiment le nom sur le. Maximo! Ah oui, voilà. Lancement, c'était pas un peu plus vieux? C'est un an après, 2001, Maximo. 2001 Japon, ouais, mars 2002 Europe, ouais. Mais je déteste Maximo, moi, de tout. Bah, moi, je l'ai eu à l'époque. Mais toi, t'as marre. C'est terrible. Si. c'est tombé. Si. C'est mais je peux pas le dire en direct, ça serait méchant. Ah, d'accord. Ah, c'est de là. Je vais en profiter également, moi, pour parler rapidement de notre jeu dont la date de sortie définitive a été donnée. Alors, définitive, on va rigoler doucement, mais on va se dire que finalement, ce coup-ci, ça va tenir. Donc, Monster Boy and the Cursed Kingdom oublié, arrive le 6 novembre. Et... promis, il sort, c'est vrai. Et je trouve qu'il a l'air sympathique, moi. Ah oui, le jeu a l'air très sympa. Mais ça fait combien d'années qu'il est en développement ? 4 ans. Ouais, mais alors, franchement, de ce qu'on a vu l'année dernière avec les dernières animations, il a vraiment évolué le jeu. Hein. On sent que il pouvait pas laisser peut-être le jeu en l'état face à Wonder Boy d'à côté, quoi. Tu vois, moi je le vois comme ça un peu. Ouais, ou non, peut-être qu'ils ont juste, ils avaient présenté des entre guillemets des phases en développement, et puis que. Ouais, ouais. Au cours du mais il a tellement évolué au niveau. Mais il a l'air sympathique, aussi, franchement. C'est surtout au niveau des animations du personnage et tout. Il y a une vraie différence. Hein. C'est flagrant. Quoi. C'est qui le fait ça ? C'est un studio français aussi ? Oui, c'est un studio français. On les invitera. Et juste. Attention, messieurs, il va falloir aussi inviter Philippe Dessoli pour la sortie de Toki. Oh, aussi, on l'invitera. Mais c'est marrant toute cette friend touch sur les jeux rétro. Comme on l'invitera. Quand on dit depuis des années je sais qu'ils nous écoutent là, hein, le rétro en France est très à la mode. Ouais, mais clairement. Le rétro en France est vraiment très à la mode, peut-être plus encore que dans d'autres pays. Ouais, ouais. C'est en France qu'on a Pixel Love depuis des années, c'est en France que les prix des jeux rétro sont. C'est du grand n'importe quoi. C'est pas pareil dans les autres pays européens. La frénésie, elle n'est pas au point où on en est en France. Ouais, ouais, je pense qu'il y a vraiment un vrai engouement en France, peut-être plus pour les vieux jeux que dans ce sur le qu'ailleurs. Ouais, c'est marrant. Et juste un dernier mot pour Monster Boy tout de même, parce que j'ai vu une petite précision. Il va évidemment y avoir une édition physique avec des petits goodies et tout ce genre de choses, mais attention, ça ne sort qu'aux États-Unis, qu'en Amérique du Nord. L'édition physique ne sort pas en Europe. Bon alors les gars, je sais que vous nous écoutez, faites pas les cons. Voilà, moi j'ai lu qu'ils ont bien confirmé que l'édition physique ne sortait pas en Europe, et un peu comme la plupart des jeux qui ont eu des éditions physiques ces derniers temps. Ou alors Wonder Boy, il a fallu attendre que finalement ils décident à le sortir, ou Runner 3 qui est sorti qu'aux États-Unis. Oui, quand tout le monde l'avait acheté en import. Voilà, attendez, soit vous le prenez en démat. Parce qu'il est là le sketch. Hein. Le sketch, il est là, c'est ils le sortent pas aux États-Unis, donc les gens l'importent en Europe. Du coup, ils se disent il a bien marché aux États-Unis, on va le vendre en Europe, sauf que tout le monde l'a déjà, donc ça se vend pas. Donc, ils ne sortent pas le suivant. Ce qui va bientôt prendre un nouveau nom dans 2 mois, on va appeler ça le phénomène Taiken no Tatsujin. C'est un peu ça. Parce qu'après avoir vu tous les gens du monde acheter Taiko en import avec les tambourins et les payer une fortune. Voir aujourd'hui. Je dis pas, moi, qui arrive, bonjour, on vous sort ça en Europe. Moi, en tout cas, je sais que le jeu, je vais le prendre, ça c'est clair. Parce que le faire importer, vu le prix des versions, non, c'était juste pas possible. Donc, on sait déjà qu'ils vont en vendre un. A priori, puisqu'on parle de Taiko rapidement, les premières préco font état d'un 110 euros jeu plus tambourin. Ah, putain, ça pique. Ouais, bon, enfin, c'était quoi, 200 balles on importe, ça, tout dépend des versions. C'était moins ça. La version PS4, par exemple, PS4 plus le tambourin, sur des sites comme PlayAsia et tout ça, il est à 83. Arrête, ok, bon, moi, j'ai rien dit. D'accord. 110, ça tape, hein. Surtout que c'est un peu le genre de jeu, si t'as pas le tambourin, ça vaut pas le coup d'y jouer, quoi. Ouais, puis c'est surtout... en même temps, étant donné que c'est un genre de niche et que... pas beaucoup de joueurs occidentaux qui vont être intéressés, à part ceux qui forcément l'ont déjà importé ou ont déjà importé notre version. Donc forcément les prix sont un peu élevés, mais ouais, j'y crois moyen. Et donc sur le coup, je vais reprendre rapidement l'actu que nous donne Ryudo, donc une sortie physique pour Shovel Knight. Est-ce que c'est du rétro Shovel Knight? Franchement, ça fait longtemps qu'il est sorti, mine de rien. Ça commence à faire un bail. Non, par contre, moi, ans, non. J'ai regardé, tiens. Mais très bien, quoi, Shovel Knight. 2014. Alors, par contre, moi, c'est... 2014. On a donc une date de sortie le 9 avril 2019. Par contre, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que ça y est, sur le coup, donc, chers amis acheteurs d'Amiibo, mon appel, nous avons une date de sortie pour les Amiibo qu'on nous a annoncé. Oui, qui avait disparu du radar. Eh ben, je savais pas. Amiibo qui ne sont pas annoncés en Europe non plus. Pas encore, en tout cas. Voilà. Mais bon, d'après le site officiel, tout sortirait partout. Mais voilà. On va attendre un peu. Hein. Et donc, ouais, l'édition physique de Shovel Knight, donc la Treasure Trove, donc, qui contient tout le jeu, les DLC sortis et à venir, vous les aurez tous. Voilà. Voilà, c'est ça. Et on pourra en faire acheter ces fameux Amiibo, peut-être un jour, qui nous avaient tant fait envie. Un jour. Ah, finalement, ça fait un paquet de nouvelles, tout ça. Oui. Je crois qu'il reste encore. Il y en a une. Tu voulais pas nous parler d'un Alex Kidd, Monsieur Chou? Il y a un remake qui est un fan game qui est en cours et apparemment qui avance plutôt bien. Et pareil aussi, il y aurait un fan game qui serait inspiré de Sonic Chaos, dont une démo a popé aujourd'hui. Donc le remake, le remake du jeu Game Gear en ouais. HD en fait. Parce que le gars il avait dit en gros jouer à la Game Gear c'est trop de la merde, je veux jouer sur mon écran, et sur mon écran bah les émulateurs et tout, enfin la Game Gear est tirée, enfin sur un écran ça rend de la merde, donc je vais refaire le jeu. C'était l'idée de base. Donc, ok, très bien. Et il aurait repris peut-être des assets de, je sais pas s'il a repris des assets d'ancien Sonic ou pas. Mais vu que c'est un fan game, j'espère qu'il ne l'a pas fait, parce que sinon il va se faire défoncer. Apparemment, non. Enfin voilà, donc pour ceux qui veulent, la démo est dispo depuis aujourd'hui. Mais Sonic Chaos, c'est pas... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, ça fait moi quelques semaines que j'en ai entendu parler. Donc je pense j'ai vu l'annonce que ce matin. Donc. D'accord, ok. Mais voilà, je n'ai pas de date à donner, mais je crois que ça fait un petit moment. Ouais, bah Ryudo, il dit aussi. Donc ouais, je pense que... J'ai vu l'annonce ce matin, ouais. J'avoue que c'est pas le X-Kit que je porte plus dans mon cœur, mais... pas mon préféré. C'est lequel ton préféré? De Alex Kidd, oulala, de Sonic. Mon Sonic préféré, sans ça c'est une très longue histoire, et je crois que dans ma tête la bataille ne finira jamais entre le Sonic 3 et Knuckles. Fais-nous ton top 5 des Sonic. Bah moi il n'y en a qu'un et c'est le premier. Sur la quelle version? Bah son système. Bah, c'est pas vrai, évidemment. Ah, comme quoi. Bah non, moi c'est, ouais, je suis plutôt Mega Drive. Mais c'est pareil, c'est parce que ouais, j'ai eu Sonic 2 sur Mega Drive. Ouais, moi j'ai eu Sonic sur Master System. Après, c'est les autres. C'est marrant que personne ne parle de Sonic Jam sur Game.com. Je ne t'entends pas, monsieur, d'ailleurs. Qui êtes-vous? C'est bon, la confusion. Et enfin, la dernière nouvelle dont j'avais envie de parler, dont nous avions envie de parler d'ailleurs. C'est pas bien, moi. Je suis pas tout seul ici. C'est donc la société Retrobit, ouais, ça, qui vient d'annoncer des manettes, mais pas n'importe lesquelles. Des pads Mega Drive 6 boutons et des pads Saturn, des reproductions de pads Mega Drive 6 boutons et de pads Saturn. Alors attention, accrochez-vous à quelque chose. Le pad Mega Drive dans sa version de base, il va être disponible en deux coloris, bleu, transparent ou noir, ainsi qu'une version avec deux joysticks supplémentaires pour pouvoir être compatible avec la Switch, j'imagine, ou des trucs comme ça. Bah PC, en fait, globalement. Enfin, voilà, ouais. PC. Et il va y avoir un dongle vendu pour connecter tout ça à une vraie Mega Drive. De la même manière, la Saturn va être dispo en deux coloris, qui est le coloris noir européen et le fabuleux coloris Skeleton This is Cool qu'on aime tant. Impel. Voilà. Et donc sur le coup pareil avec un dongle pour jouer sur une vraie Saturn dessus et donc, on précise un dongle, enfin c'est parce que les manettes seront sans fil, on pourra jouer sans fil sur la et alors c'est là qu'on en vient justement des derniers détails. Les manettes seront les manettes classiques qui n'ont pas de joystick supplémentaire, donc les manettes Mega Drive et Saturn, seront disponibles en deux versions, soit des versions sans fil, soit des versions USB. Et alors, c'est là que ça devient un peu compliqué. Donc, sur le coup, vous pourrez acquérir... Alors, les dongles sont vendus 20, devront être vendus 20 euros. Les manettes sans fil vont être vendues 20 euros pièce. Les manettes USB vont être vendues 25 euros pièce. Un petit peu plus, à chaque fois, vous rajoutez 5 euros systématiquement pour les versions Saturn, qui seront vendues un peu plus chères, manifestement. Ouais. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Bah, mais donc, sur le coup, je pense que c'est parce que en manette Saturn, ils ont absolument zéro concurrence. Ouais. Mais genre zéro. Oui. Donc, sur le coup, vous pourrez acquérir un pad Saturn This is Cool USB pour la modique somme d'une trentaine d'euros. Les gens qui ont pu les avoir en main n'ont pas pu les tester dans les jeux, mais en termes de ressenti, on dit c'est la manette Saturn. C'est la croix de direction Saturn. On l'a dit que c'était des manettes officielles Sega. C'est officiel, oui. On a le logo Sega, Saturn et Mega Drive. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus. Et j'attends, mais de ouf, surtout le pad Saturn en fait. Ben moi aussi, finalement, quand j'ai vu le pad Skeleton Saturn, j'ai dit oh, très bien, parfait. Donc voilà. Et pour la manette Mega Drive, je serais tenté de tester comme ça parce que moi, j'ai. Alors moi, je serais vous, messieurs, pour la manette Mega Drive. Si vous avez un pad 6 boutons, prenez le kit 8-bit do qui permet de transformer un pad filaire Mega Drive officiel en un pad sans fil Bluetooth. Ouais, c'est vachement bien. Mais justement, c'est en Bluetooth et je serais quand même tenté. Ouais, alors ça c'est une solution, c'est une alternative. Ce que je disais, hein, pour la Mega Drive, il existe plein d'alternatives. Il y a aussi le pad de Krix, le gars qui fait les Everdrive. Ah oui, exact. Que j'ai. Alors j'avais dit que j'en ferais un test, j'ai jamais fait. Enfin, je l'ai fait, mais j'ai jamais rédigé. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment de la bombe le truc. Il a une autonomie de ouf. On a vraiment les sensations de la Mega Drive comme si on y jouait. C'est sans fil, mais c'est pas Bluetooth. C'est une techno RF qui est à long beaucoup moins d'input lag que le Bluetooth. Du coup, je serais tenté de prendre les deux en main, la manette Retrobit nouvelle, là, et voir ce que ça donne en comparaison. Même si j'ai des contrôleurs déjà Bluetooth, par exemple pour la Super NES, là, les 8-bit do, ouais, il y a un petit peu d'input lag, mais moi ça m'a jamais empêché de jouer, mais je suis peut-être un peu plus tolérant à l'input lag que d'autres, j'en sais rien. Mais voilà. Mais en tout cas, les pads Saturn Retro Beats, je pense que. Ils sortent en novembre, je crois, ça ? Oui, on parle de 6 novembre. Donc, voilà, et je pense que. Je pense que mon anniversaire est en novembre. Et je le dis très fort, mon anniversaire est en novembre. Et moi aussi. Moi aussi. Je pense. Moi aussi, mais c'est pas vrai. Mais. Je pense. Beyond. Non, moi ça va. Dis-le. Ça va pas, non. Je vais pas être de novembre. Moi. Mais non, mais je sais, moi non plus. C'est je suis un jour après toi, pour ça. Non, mais attends. Non, mais il y a que les gens pas bien qui sont en novembre. Et alors. Non, moi je vais plutôt être attiré par le pad USB Saturn. Parce que voilà, parce que je préfère. Moi je suis. Qu'il y ait un fil ou pas, ça me dérange pas trop. Par contre. Mais elles sont dispo aussi en mode filaire sur les consoles d'origine, non, il me semble. Je sais pas. Moi j'avais lu qu'il y avait un modèle filaire pour la console d'origine aussi. Je vois pas. Sur la page que j'ai avec tous les modèles marqués, il n'y a pas. J'ai mal lu là. Le problème, c'est que Retrobit, ils annoncent des choses et qu'après, tu trouves pas les infos sur leur site. Alors, c'est très compliqué. Ça fait 10 minutes que je cherche et je trouve pas. Elles ont été montrées dans certains salons, apparemment, rien de plus. Ils parlent de Bluetooth, mais okay. Ouais, non, je vois pas. Je vois ça nulle part. Oh, bon, trop bien. Bah, je hallucinais. Et ça fait un petit moment que je cherche. Attends. Apparemment, il y a un blog où ils l'ont annoncé. Voilà, c'est certains sont Bluetooth, certains sont USB, mais apparemment, il n'y a que pas l'USB. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Bah, je suis pas certain, mais d'après ce que j'ai vu depuis 10 minutes de. Oh, bah, si vous avez vu tous les deux ça, de fouillage, ouais. Et donc, oui, tout ça pour dire que, enfin. Parce que sinon, si vous voulez jouer sans fil sur Mega Drive et sur Saturn, vous avez toujours une alternative qui sont, je rappelle, les pads sans fil officiels infrarouges. Punaise. En plus de coûter une putain de blinde aujourd'hui, marche extrêmement mal. Voilà. Ouais, et quand je dis une blinde, une paire de pads officiels infrarouges Saturn aujourd'hui, c'est dans les 150€. Mega Drive, c'est dans les 200€. Oui. Seigneur Dieu. Marche pas bien. La technologie vaut ce qu'elle vaut, hein. Ça marchait à l'époque, mais. Voilà, c'est pas que ça marche pas bien, c'est que c'est de l'infrarouge, donc faut être juste pile poil en face du récepteur, c'est tout. Après. Et pour avoir les modèles Saturn, je garantis que même un jeu calme comme Symphony of the Night, tu bouges de 15 cm de trop, fini. Hein. Ah bah oui. C'est... Donc, bon, bah. Voilà, donc c'est tout, c'est bien, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à jouer encore avec des manettes qui ressemblent à des vraies manettes. Mais c'est bien. Je pense qu'on a fini en news. Ouais. Fini les news, c'est bien. On va pouvoir subrepticement glisser vers notre ami You. Parce que il me permet, je pense, de l'appeler You. You. Ah, Yu Suzuki. Yu Suzuki, c'est le père qu'on aimerait tout savoir finalement. Le grand-père, plutôt. Ah, il est né en 1958. Ah, bah, ce il serait le... donc, ce serait peut-être plus un fils pour Pell. Voilà. Non, mais attendez, messieurs. Bon, c'est très bien. Moi, j'aime bien... C'est là mes jeux préférés, troller la petite Pell. Mais après, ça va être comme la... Comment dire, le collecteur de Galsgun. Les gens vont finir par le croire. Qu'il est très vieux et voilà. Bah, ils ont vu sa photo et sa moustache. Donc ouais, mais après ça m'embêterait qu'il y a des gens qui le voient en vrai qui disent ah tiens, tu fais moins vieux que dans le podcast. Mais personne le verra en vrai. Il est reclus dans son manoir. C'est ça. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Yu Suzuki a 60 ans et pourtant sa carrière a commencé il y a déjà fort longtemps. 70 ans, il est fort. Il va être long ce podcast. Je tiens à vous dire quand même que l'assistante n'a pas son micro, mais qu'elle se marre comme un doryphore à côté. Donc c'est bien, j'ai même pas d'aide quoi. C'est vraiment personne ne m'aide. C'est ça. C'est parti. Et, très long. Donc sur le coup, la carrière de Yu Suzuki au sein de Sega a commencé en 1983. Vous étiez nés tous ? Oui. Non. Non. Il revient de la guerre. Moi, je connais des gens qui sont nés, qui rigolent en ce moment même, mais qu'il ne faut pas le dire. Et donc, le premier travail en tant que programmeur qui est confié à Yu Suzuki à son entrée chez Sega est un jeu sur le hardware SG-1000 dont on a parlé dans une des émissions précédentes, il y a un mois. Voilà. Qui a pour titre Champion Boxing, qui est un simple jeu de boxe. Tout pas simplement terrible. 2D. Donc j'avais jamais entendu parler. Hein. Mais qui est suffisamment impressionnant pour Sega pour qu'il décide d'installer une SG-1000 dans un cabinet d'arcade et proposer le jeu en arcade sous cette forme-là. Ah oui, carrément. Donc il semblerait qu'apparemment, lors de ce premier travail qui échappe aujourd'hui beaucoup au radar, Yu Suzuki est déjà à l'époque impressionné. Parce que Yu Suzuki. Au départ, c'est quelqu'un qui a une formation d'électronicien. Et donc, c'est quelqu'un qui, en plus de s'y connaître en programmation, s'y connaît techniquement, entre guillemets. Et donc, on va voir ce soir, déjà, quel va être son rôle auprès de Sega. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir et voir comment est-ce qu'il va passer de ce petit jeu SG-1000 qui est le premier travail qu'on lui a confié à aujourd'hui être responsable de la suite d'une des sagas qui est les plus emblématiques des années 2000 du jeu vidéo. Mais oui. Eh oui. Eh oui. Bah oui. Rien que ça, quand même. Non, mais je veux dire, déjà, voilà. Et pour la petite histoire pas du tout intéressante, si vous gagnez une partie dans Champion Boxing, vous avez une apparition de Pengo, l'un des personnages bien oubliés de chez Sega. Ah pour ouais. Le coup, vachement oublié, oui. J'ai vu ça cet après-midi en faisant des recherches, voilà. C'est pour dire. J'avais totalement oublié ce jeu. Ah mais moi aussi, mais je pense qu'on est beaucoup à oublier. Ouais, non, moi je regardais ce qu'il avait fait pour le podcast et ouais, Champion Boxing, j'ai fait ah, peut-être. Et donc, il va falloir un an de plus à Yu Suzuki pour concevoir le premier jeu qui va faire parler de lui et qui va, incroyable. Débuter la légende. Qui donc en 1985 sort en arcade le jeu Hang-On. Ah ouais, et là c'est... Je l'ai pas connu à l'époque, mais je veux dire, la borne est incroyable quoi. Et la question c'est, qu'est-ce qu'a fait Yusuf? Bon, déjà, outre le fait qu'on est en 1985 et qu'on est sur une borne 16 bits... Et mais voilà. qui, pour parler de la borne succinctement, qui a déjà joué sur la borne qui ressemble à moi? Et ressemble à la moto d'Akira. Et moi aussi, ouais. Sur Hang-On, oui, j'ai joué à la borne d'arcade à Vienne. C'est pas des cons. D'accord. Tu étais parti faire une valse? Mais voilà, ouais. C'est ça. Non, c'était le bicentenaire de la mort de Mozart en 89. Alors... Et je suis parti là-bas. Et puis voilà. Ah oui, il y a un grand copain à toi, hein, Mozart. C'est ça. Est-ce que c'est le moment François Fellman de ce podcast? C'est ça. Et là où je dormais, voilà, il y avait une borne d'arcade Engon et j'ai joué à ça pour la première fois. Mais c'était fou. Et donc, ouais, vas-y, peut-être continue Beyond pour comprendre pourquoi cette borne, elle est incroyable. Bon, voilà. Alors, déjà, d'une part, elle est équipée de deux microprocesseurs 68000 et d'un processeur Z80 pour l'épauler au niveau du son avec voilà, un processeur Yamaha. Enfin, les grands classiques de l'époque. Enfin, les grands classiques. En 1985, bah, non, pas oui, encore voilà. Les grands classiques. En 1985, on est quand même sur une config qui est vachement costaud. C'est un truc de ouf, quoi. Techniquement, voilà. C'était l'Xbox One X, quoi. Sega va utiliser une ouais, ils en ont vendu plus. Yu Suzuki va utiliser une technologie qui va nommer Super Scaler, qui va créer une illusion de 3D avec un framerate particulièrement élevé qui va consister donc à faire des zooms, basiquement, pour créer une illusion de 3D. Alors, d'accord. Aujourd'hui, ça fait sourire. À l'époque, c'est une tarte fantastique dans la tête. Oui, oui. Et c'est ce principe-là qu'on retrouvera dans tous les jeux suivants, même de Yu Suzuki, en fait. Il va l'améliorer au fil des ans, mais c'est vraiment avec Engon qui va créer complètement le truc. Mmh. Et également, donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce qui va vraiment parachever la légende du titre, c'est ses versions arcade. Ah ouais. Trois versions arcade existent, dont la plus célèbre et la plus remarquable est une version où on a donc une moto littéralement reproduite où pour jouer il faut se pencher comme sur une vraie moto pour prendre des virages. Mais cette version, ça s'appelle pas la version Raidon ou un truc comme ça, non? Bonne question. Possible. Si c'est pas, je crois que comment dire, pour Outrun, il y a la version Deluxe et Grand Deluxe, je crois. Et ouais, t'as effectivement trois versions. T'as la version deux versions entre guillemets borne. Une où t'as rien, t'as pas de pédale au sol, il me semble. Une, tu peux t'asseoir, mais ça reste comme une borne classique. Mmh. Et la version moto. Ouais. Mmh. Parce que toutes les bornes, c'est important à dire parce que ça concerne vraiment toutes les bornes Engon avaient un guidon de moto pour jouer. Oui. Donc il n'y a pas que la technique, le jeu lui-même, le point de vue graphique, ça qui est exceptionnel. Il y a aussi le fait que c'était vraiment une borne accessoire en même temps, une borne axée sur le gameplay et vous n'aviez pas, il n'y a pas de version qui existe avec un joystick et deux boutons. Ça n'existait pas en arcade. Et je pense franchement, enfin forcément en 1985, j'étais un peu jeune, mais que les gens qui ont dû découvrir ça en arcade à l'époque. Je suis en train de revoir la borne. Je me souvenais plus que l'écran, il était juste derrière le guidon de la moto. Tu te souvenais de ça, toi? Moi, j'ai eu la chance d'avoir la borne avec la moto il n'y a pas très longtemps. J'avais réussi à approcher quelqu'un qui faisait des locations de bornes d'arcade dans les cafés et tout ça. J'avais vu son entrepôt et parmi les bornes qu'il y avait là, il y avait la borne Engon. Je l'ai pas revu depuis 30 ans. Je me suis liquéfié quand j'ai vu, je dis quoi. Mais c'est un truc de ouf parce que, enfin, vraiment, il y a l'aspect déjà technique du jeu qui était bluffant. La borne, voilà, la forme de moto, c'était un truc de ouf. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mais la moto en plus, c'est la moto d'Akira. Ah, mais carrément. Hein. Donc je veux dire, il y avait tout quoi. Ils ont tout mis, les mecs. Ils ont tout mis. Et c'est assez. Enfin, c'est quelque chose qui. Parce que je. On le redira plus tard et pas de manière aussi bienveillante, mais Yu Suzuki, dans sa conception du jeu, il a fait exploser le porte-monnaie littéralement. Ah oui. Et dans les puces qu'il y avait dedans et dans les cabinets, c'est des bandes d'arcade qui devaient être absolument hors de prix, qui ont dû coûter beaucoup d'argent à produire, et c'était vraiment un show complet de A à Z. Ouais. Et j'ai pas l'impression que c'était des bornes très rares en plus. C'était assez répandu, hein, les Engon. Enfin, il me semble. Hein. Non? Il y en avait partout. Moi, j'en ai vu. Moi, j'en ai vu. À un seul endroit, mais la borne, elle est restée paire d'années, même après que le jeu soit ultra démodé. Donc, ouais. Disons que chez nous, c'était cher. Effectivement, il n'y en avait pas dans tous les coins de rue. Hein. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Je suis de la région lyonnaise. Hein. Ouais. J'en avais l'idée. J'en ai pas vu énormément. Hein. Très bien dit. Peut-être qu'en Autriche c'était plus présent alors. Non, mais c'est la première fois que j'avais vu ça, mais après j'en ai retrouvé par chez moi, je me rappelle. Mais non, il me semblait que c'était plus répandu. Mais peut-être pas. Et c'est-à-dire, on a oublié de dire ce que c'était en Gun. c'est accessoirement, c'est un jeu de course de moto finalement. Hein. C'est ça. Alors, il me semble d'ailleurs que quand il a trouvé le titre, il s'est un peu planté. Parce que Engon, ça veut dire attendre. Alors que le terme précis, ce serait pas Engoff. J'ai entendu parler ça il y a quelques temps. Engon, c'est surtout s'accrocher, je crois. Ouais. Ça veut dire tiens bon. Voilà. Ouais. Non, Tandis que le fait de se pencher avec la moto, entre guillemets, pour, dans les virages comme on voit dans les courses, le terme c'est Engoff et pas Engon. D'accord. Ah, bah alors par contre, oui, ça je. Il me semble avoir entendu parler de ça, mais. Je ne saurais pas dire. Ah bah ouais, si on tape Engoff dans Google Images, on voit bien. On voit bien et le truc. Ouais, donc c'est ça. Donc Engon va connaître évidemment les beaux jours des adaptations console, puisque les joueurs Master System s'en souviennent encore aujourd'hui. Oui. Il était un des jeux emblématiques. Déjà, il est le premier jeu à avoir été vendu avec la console. C'est-à-dire que le premier pack Master System qui a existé, il y avait la console sans jeu à l'intérieur, il n'y avait pas de ROM dans la console, et il y avait Engon au format carte de crédit qu'on pouvait insérer devant sur la Master System 1. C'est le premier jeu qui a été vendu avec la console, donc vraiment, Engon non seulement était un jeu arcade impressionnant qui a vraiment été là pour... C'était vraiment ce qui se faisait de mieux chez Sega, mais à côté de ça, ça a été aussi une entrée des joueurs dans... les incitait pour l'inciter à acheter une console de salon, puisque c'était l'adaptation du fameux jeu d'arcade. Oui. Après, la version Master System vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas sensationnelle, en vrai. Ben, disons que quand tu découvres le jeu, tu sais, c'est quoi ? Version Master System, c'est 88, 89 ? Non, beaucoup. Non, plus avant, mais... Ben, oui. Tu prends pour l'époque, ça reste exceptionnel quand même. Sur le hardware, sur la Master System, ça reste quand même une bonne gifle pour tous ceux qui les ont découvert comme ça. Au Japon, le jeu Master System 85, Europe en Sega Card 87. Voilà quoi. Ou donc 87. À l'époque, c'était déjà pas mal quoi. Il est sorti la même année au Japon que la sortie du jeu. Alors, voilà, ouais. Par contre, Sega Retro crédite la sortie du jeu en France en 90 sur Master System, j'y crois moyen. Non, parce qu'il était vendu en carte avec la console. Donc, j'y crois moyen. Ouais. Après, il a été vendu en France qu'en bundle avec la console. Il est sorti en boîte seul uniquement en Australie sur la région PAL. Donc, il y a peut-être confusion à ce niveau-là. Ouais. Ce qui serait compréhensible. Juste pour rester donc sur Engon, pour parler rapidement des suites du jeu. La première suite, qui n'en est pas une directement, s'appelle Enduro Racer, qui est un peu le petit grand oublié de la saga. Enduro Racer, c'est la même chose qu'Engon avec une moto d'enduro. Voilà. Et Enduro Racer connaîtra, c'est également un jeu de Yu Suzuki, qui utilise la même technologie qu'Engon avec le même système, le même PCB arcade. Tout identique, mais qui se déroule donc sur des courses de dirt, c'est comme ça qu'on s'appelle, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, et qui est bien meilleur que le jeu de moto de 32X dont tout le monde a oublié l'existence, tant mieux. Et moi j'ai totalement oublié Motocross Championship, je ne l'ai pas oublié, il continue de hanter mes rêves. Et ce qui est bien, c'est que même la version Master System d'Enduro Racer, elle est cool, en vrai. Si jamais vous avez l'occasion de jouer Enduro Racer sur Master System, c'est mieux qu'Engon, honnêtement, c'est mieux foutu. Et je vous conseille, c'était un jeu qui, moi perso, était très sympa. J'ai le jeu, mais je me sens pas y avoir joué. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Chou, est-ce que tu as quelque chose à me dire sur les adaptations micro-ordinateur d'Engon? Faut que je me souvienne sur quoi c'est sorti. Il y a une version MSX auquel j'ai joué une fois dans ma vie en ému. Je me souviens plus du tout, mis à part le fait que j'y ai joué. Je crois qu'il y a une version PC 88 de ce que je vois sur Sega Retro.org. Oui. Par contre là, jamais testé. Autant je me souvenais parce que bon, c'est la moto d'Akira et le jeu, j'y ai joué C'est marrant parce qu'en fait, comment tu peux jouer à un jeu comme ça alors que tu as 5 ans? Ben en fait, c'est pas compliqué, tu te cramponnes au guidon et t'as ton père qui te pousse pour faire bouger la moto. Non mais rigolez pas, c'est comme ça que j'y ai joué. La première fois en tout cas. Et après, quand j'avais l'âge de toucher mes pieds touchés par terre, bon bah là, le jeu, il était plus mis en service dans la salle d'arcade où j'allais. Mais bon, non, moi, c'était surtout sur Mega Drive, j'y jouais en tout cas. J'ai un pote qui l'avait ça. Et ouais, niveau version micro-ordinateur, à part je sais qu'il existe une version MSX. Je vais regarder à quoi elle ressemble par curiosité, mais. Ouais, bon, ça me dit pas grand chose. Non, malheureusement. Juste pour aussi revenir sur une petite anecdote d'Engon que j'ai oublié de parler. Le jeu d'arcade contenait des publicités in-game. Ah oui. Avec des panneaux Bridgestone, Shell, Garly, Tag, tout ça. Et même la moto. Dengon on retrouve sur le flyer Dengon une moto aux couleurs de Marlboro. Ah d'accord. Parce que nous étions en 1985 et en 1985 on ne mourait pas encore du tabac, je le rappelle. Mmh. Donc sur le coup, on pouvait encore avoir ce genre de collusion et de d'accord entre les marques. Mmh, ou donc. Ce qui corrobore ce que je disais tout à l'heure en disant que la version arcade a dû coûter un paquet de pognon à Sega, parce que pour aller chercher même des partenariats avec des marques de cigarettes ou de pneus ou de... Enfin, il fallait sortir son chéquier, oui. À mon avis, ils avaient un plan. Bon, le plan a fonctionné. Et enfin, au niveau des suites, on a eu quelques années plus tard, c'était en 1980, non, pas quelques années, rapidement, plus tard, en 1986, on a eu une suite Super Hang-On, qui tournait non plus sur l'hardware de Hang-On, mais sur l'hardware de Outrun, qui était un peu plus puissant, qui peaufinait juste le jeu et le rendait plus joli, plus agréable, plus un peu tout. Et c'est ce Super Hang-On qu'on va voir apparaître sur Mega Drive. Ah oui, voilà, c'est ça, oui, je pensais à Hang-On, mais c'est Super Hang-On, oui, effectivement. Ouais. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont joué à Super Hang-On sur Mega Drive. Mmh. Ah si, si. Bah, non, j'y ai jamais joué. Si, si. Alors, tu vois, les souvenirs sont vraiment très très lointains. Hein. Mais je sais même pas si je l'ai dans la collecte. Toi, c'est comme les adaptations d'Outrun que tu évoquais tout à l'heure et tout ça, quoi. C'est, je veux dire, c'est ça fait le job, hein. Voilà, c'est vraiment... Le problème de Super Hang-On Mega Drive, d'une part, c'est qu'il est sorti en 89, soit 2 ans après la version arcade. Oui. Et là, je pense que par contre, déjà, les joueurs étaient peut-être passés un peu à autre chose et voulaient peut-être un petit peu plus qu'un jeu. C'est ça. Oui, ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. C'était déjà un peu vieillot, mais complètement, ouais. Ouais, c'est clair. Surtout que 89, tu dis sur Mega Drive. Ouais. Mais chez nous aussi en 89 90. Chez 90, nous. Ouais. Donc la Mega Drive était déjà sortie. Et pas longtemps après, ça se trouve, il devait déjà y avoir des Virtua Racing. Enfin, je sais pas. Après, c'était un bon moyen de promouvoir le hardware de la Mega Drive, de montrer quand même qu'elle en avait plus dans le ventre que la Master System. Oui. Et là, on s'éloigne un petit peu, évidemment, de Yu Suzuki. On est plus dans sa legacy et dans les choses qu'il a engendrées à partir de la bande d'arcade de départ d'Engon. Et après Engon, qu'est-ce qu'il nous a fait? Engon, par contre, moi, perso, c'est pas un jeu qui m'a laissé un souvenir impérissable. Je sais pas. On s'en souvient plus par rapport à la bande d'arcade. Voilà, ouais. Ah oui, bah oui. La bande d'arcade... Ça... Honnêtement, marque toujours les esprits. Après, honnêtement, le jeu est jouable, hein. Tu joues encore maintenant, tu peux t'amuser. Hein. Perso, Hang-On, c'est un peu comme comment dire. En ce moment, il va falloir que je me fasse greffer un cerveau et une mémoire parce que ça devient violent. Mais tu vois, c'est quand même. Ça fait partie de ces jeux auxquels je me souviens absolument pas de comment ils se jouent, mais je me souviens y avoir joué, malheureusement. Okay. Mais les jeux de moto, de toute façon, ça. Ça a quand même vraiment disparu, quoi. Et c'était surtout les jeux de course voiture, hein, qui marchaient, quoi. Et puis même à l'époque... tout l'attrait de ces jeux, c'était vraiment d'avoir une borne bien tape à l'œil pour faire en sorte que tu mettes 10 balles dans la borne. Et du coup, même si t'as un setup où tu peux jouer chez toi avec un vrai volant retour de force, cache-baqué et tout machin, ça n'a jamais le charme que ça pourrait avoir avec une borne. On va en parler après avec Outrun. Outrun, je pense que la borne en elle-même, c'est 80% du charme du jeu auquel tu pourras... Comment dire, si tu découvres le jeu maintenant, voilà, si tu vois la borne, tu dis ouais, « ça a l'air trop bien ». Mais avant cela, il y a un autre jeu dont il faut parler, avant de parler d'Outrun. C'est le jeu qui a été voilà, développé en parallèle de Dengon à l'époque, qui est Space Harrier. Oui. Welcome to the Fantasy Zone. C'est ça qu'il dit au début. Ça se passe dans le même monde que... Ça se passe... Hein, non, mais c'est ça. Ça se passe dans le même monde que Fantasy Zone. Je faisais la version Mega Drive. Hein. C'est pour ça. Ah. Bah, moi, je suis désolé, je fais la version Yakuza 0. Mais oui. Oui, parce qu'on rejoue à Ongon et... Bah oui. Parce qu'en fait, tous les jeux dont on est en train de parler, moi, je les ai connus que dans Yakuza, hein, je tiens à préciser. Ah oui, mais c'est fort, mais clairement... Hein. Ouais, mais voilà, digression, continuons. Space Harrier. Et donc, oui, Space Harrier, donc même principe que Kengon, mais adapté à un shoot'em up, un rail shooter, littéralement. Hein, où le principe, c'est de tirer et d'éviter des obstacles. C'est un peu plus simple. La borne d'arcade était moins marquante, mais elle comprenait quand même un élément assez fantastique, qui était un gros joystick, une espèce de gros manche balai. D'avion avec un gros bouton rouge dessus pour tirer. Et le problème de Space Harrier, c'est que il a connu des débuts assez difficiles, puisque Space Harrier, c'est un jeu qui était vachement difficile, genre beaucoup trop, bien trop. C'était frénétique, hein. Ça allait très vite. Il faut appuyer comme un malade pour... J'ai jamais réussi à le finir, ce jeu. Alors, c'est dur, hein. Déjà en arcade, juste tu passes le premier niveau, t'es... Non, mais c'est un des rares jeux qui me fait convulser. Non, mais... Je pense que oui. Ce qui est incroyable dans Space Harrier, c'est que voilà, comme tu dis, bon, il y a Welcome to Fantasy Zone que tout le monde connaît, ou le Get Ready. Et il se passe donc dans le Fantasy Zone, qui est le même univers que le jeu, qui serait le même univers que le jeu Fantasy Zone, a priori. Incroyable, chez Sega, on a une cohérence. Et au final, tout le monde connaît Space Harrier, mais j'ai jamais, pareil, vraiment rencontré quelqu'un qui dise « Ah, vraiment, j'adore ce jeu !» C'est très étrange. Parce qu'il est dur à jouer. À l'époque, il l'était, et maintenant, c'est encore plus difficile. Enfin, est-ce qu'il était plus dur que 80% des jeux d'arcade? Je pense pas. Non, pas spécialement. C'est vrai qu'il était conçu, conçu comme tous les jeux d'arcade dans le but de vous faire remettre une pièce. Donc, non, c'était surtout la façon, le scrolling, oui, et voilà. La rapidité qui rendait le jeu vraiment difficilement lisible. Voilà. Il me semble que c'est l'un des premiers rail shooters, non? Je pense. Parce que il me semble bien. Hein. J'essaie de trouver, voir ce que je peux trouver là-dessus, mais... Alors après, ce qui s'est passé pour Space Harrier, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose évidemment que pour Engon, c'est-à-dire qu'il a été adapté sur Master System. Et sur Master System, il y a eu deux versions de Space Harrier. Deux. Enfin, vous ne voyez pas, mais je fais deux avec mes doigts. Ah oui. Si, c'est bon, j'ai fait le montage. C'est faux. Et donc, sur le coup, on a eu une version de base, et on a eu une autre version qui s'appelle Space Harrier 3D, qui se jouait avec les fameuses lunettes 3D. Alors, pour Space Harrier Master System, la version que je vous conseille, moi, c'est la version en 3D, que je trouve plus agréable et plus lisible que sa contrepartie normale. Enfin, le Space Harrier Master System, je le trouve, comme tu as dit, Bozic, illisible au niveau des ennemis. C'est compliqué, ouais. Et honnêtement, c'est pas très très agréable à jouer. Bah, disons que si tu découvres Space Harrier avec cette version-là, t'auras un a priori direct sur le jeu et t'auras pas envie d'essayer les autres versions. C'est et dommage. La version 3D est plus jouable, plus sympa, plus accessible. Mais par contre, il faut des lunettes 3D et un écran cathodique 50 Hz. Et là, ça se complique tout de suite. Et une Master System 1. Ça commence à faire beaucoup pour jouer à Space Harrier 3D. Est-ce que tu y avais joué en 3D, toi, Bozic? Non. Jamais essayé la 3D, non. Moi j'avais la version de base. J'avais la version Master System. Okay. C'était compliqué. Vraiment compliqué. Et on parle de 3D, et c'est là qu'on voit qu'effectivement, Suzuki, la 3D, c'est quelque chose qu'il a travaillé pendant toute sa carrière. Ah oui. Mais tout le temps, hein. Ça, ouais. On verra par la suite d'ailleurs. Et tu pensais tous ces jeux en 3D, hein. Ce teasing. Le jeu a aussi fait son chemin jusqu'à la Mega Drive, parce qu'exactement comme Mangone, il fait partie, donc bah lui, c'est encore mieux, il fait partie des 6 premiers jeux sortis sur la Mega Drive au Japon, sous le titre Space Harrier 2, donc qui était plus ou moins la suite, mais où le but du jeu c'était de démontrer les capacités supérieures de la Mega Drive. Alors, on va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps, Space Harrier 2 sur Mega Drive, c'est pas non plus la panacée. C'est pas la meilleure application qui soit. J'y ai très très peu joué, j'ai pas de souvenirs en fait. Il est plus agréable à jouer, mais c'est pas le jeu du siècle. Ouais. Si vraiment vous voulez une adaptation sur console de Space Harrier qui soit correcte, il va falloir taper dans la version 32X, qui elle par contre, voilà, beaucoup plus sympa, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus proche. Est-ce que le Space Harrier Mega Drive, il est pas dans le. La dernière compilation sortie, là, Sega Mega Drive Classics sur PS4 et One, il me semble. Hein. Il ressort à chaque fois, il me semble. Je l'attrape, hein. J'attrape la collection. Est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? Après, ça serait possible. Hein. Non, il y est pas. Si, il y est. Il y est, pardon. Il y est, c'est pas ça. Ah, il me semble bien. Ok. Donc voilà, bah, si vous voulez essayer, hein, vous avez la copie sur PS4. Oui. Voilà, pour la version 32X, ce sera un petit peu plus compliqué, malheureusement. Ah bon? Donc il va vous falloir une multiprise. Oui. Déjà. Voilà. Voilà, pour moi. Et ce sera déjà bien. Parce... Bon, après, Space Harrier. Oui. Et adaptation sur micro, il y a quoi? Bonne question. Mais je me demande s'il n'y a pas eu une version Amstrad de ça, tu vois. Il me semble que oui. Après, quand tu vois la difficulté qu'il y avait la Master System, version CPC. Ah, il me semble bien que j'avais joué. Alors attention. En fait, elle doit piquer, la version CPC. Ah ouais, ouais, ça a l'air de piquer quand même pas mal. Ouais. Le scrolling est beaucoup plus lent. Mais est-ce que c'est un mal pour ce jeu? Ouais. Pour un jeu Amstrad, alors pour ce que je peux juger en voyant le jeu tourner en vidéo, on a tous vu et connu pire. Après, si ça se trouve, le jeu est totalement injouable, hein, mais de ce que je vois graphiquement, ça a l'air du même cran que tout à l'heure Engon, la version MSX, mais en mieux. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé vite fait. Je me souviens maintenant, Engon MSX, il y a le jeu est en 16 couleurs, je crois. Et c'est tout lent et tout moche. Et ça fait des bruits dégueux. Donc voilà. Okay. Et salut Koban. Mais il me semble d'ailleurs qu'il n'y a pas une version Atari ST de. Oh, de Space Harrier, non? J'avoue que les adaptations micro. Si des c'est le cas, je ne l'ai jamais vu passer. Atari ST, effectivement. Ils l'ont fait aussi. Wow. Si. Je ne sais pas par qui c'était. Comment dire? Elite, voilà. Je cherchais qui est. Qui avait codé ça. Mais de ce que je vois, le scrolling a l'air un peu saccadé, mais c'est pas moche. Attends, c'est quand même un ordi 16 bits aussi, l'Atari ST, donc voilà. Et il me semble aussi qu'il y a une version Atari 800. Mais là, pour le coup, je suis en train de faire un pif. Ouais, effectivement, ça existe. Mais bon, aucune idée de ce que ça peut donner. Ah, ok. Space Harrier à Atari 800, donc Atari XL, c'est un fan game. Ça a été codé en 2011. Voilà. Il y a quand même des gens pour faire des. Waouh. Bah, disons qu'il y a des gens qui ont découvert. Quand ils étaient tout gamins, et des années après avoir passé des dizaines d'années à coder des trucs un peu à droite à gauche, ils reviennent dessus, quoi. Donc, bon, et sur le coup, Yu Suzuki a compris avec Engon qu'il fallait marquer le public, qu'il fallait ne pas hésiter à sortir une débauche pour marquer les gens. Et c'était ce qu'il voulait. Et donc, avec son jeu suivant, il va encore plus marquer les esprits. Et ce sera sans doute ce qui va devenir le jeu de Yu Suzuki le plus marquant de son époque, entre guillemets 2D, c'est-à-dire d'arcade ou avec des cartes qui géraient de la 2D, qui est donc le fabuleux Outrun. Ah oui, Outrun. J'avais un autre titre en tête. Encore un jeu Yakuza. Quand... Donc Outrun, c'est quoi le principe? Vous avez une Ferrari, et une jeune femme à vos côtés, et vous parcourez des belles routes américaines, les cheveux au vent, avec une bande-son qui défonce. Moi, j'ai choisi Magical Sound Shower tout le temps. Et avec une borne, en tout cas la version Deluxe, qui est juste fabuleuse. Voilà. Alors, avec une la bande version Deluxe, t'as un lien chou ou pas? Oui, c'est, oui, c'est vrai. Ouais. Bah non, parce que je l'ai aussi. Je serais plutôt donné un truc d'une Ferrari, c'est pas plutôt une Cadillac, voilà. Par hasard. C'est mis dans le chat, t'inquiète. Voilà. Donc, un petit peu comme il nous avait fait le coup de la moto avec Hang-On, Yu Suzuki va sortir une bande de luxe qui va littéralement être une petite voiture, oui, dans laquelle vous allez pouvoir prendre place avec un pédalier et un vrai volant. Alors par contre, j'ai toujours trouvé bizarre le levier de vitesse à gauche. Et un levier de vitesse à gauche, sachant que vous aviez que deux vitesses à gérer dans le jeu. Bah, c'était peut-être parce qu'au Japon, ils conduisent... Mais totalement, tout simplement. Ah, okay, d'accord. Évidemment, d'accord. Les Japonais ont le levier de vitesse à gauche. Oui, ils voient ça et les voitures sont pas dans. Ouais, ouais. Et oui, c'est ça, Ikoman. Ouais. C'est ce que je dis, c'est encore un jeu Yakuza. Magnifique bord monté sur vérin. Punaise. Voilà, donc lorsque vous freiniez et que vous accélériez, vous aviez vraiment les sensations d'être dans une vraie voiture. Quand tu tournes à gauche, la pente se penche, comment dire, le châssis de la voiture se penche à gauche, c'est excellent. Et vraiment, c'est une bande qui a vraiment marqué les esprits. On parlait du fait que la Hang-On ait marqué les esprits. Celle-là, je pense que c'est encore le niveau au-dessus. Oui. Mais il me semble aussi pour. Il me semble que c'est l'une des premières bandes qui faisait ça. Tu avais le son qui sortait de haut-parleurs sur ta puits-tête, en fait. Oui, il y a le logo Sega. La puits-tête, c'était les haut-parleurs. Ah, et oui. Je sais pas, par contre, si c'est un mythe, parce que pour le coup, je m'en souviens pas du tout. Pourtant, j'y ai joué à ce jeu. Paraît-il qu'il y avait un ventilateur, en fait, qui était censé te souffler dans le... Alors, j'ai entendu parler ça des années après. J'ai jamais su si c'était une belle connerie ou pas. Mais ça me paraît plausible, mais j'ai dû jouer à ce jeu il y a quoi, il y a peut-être 27, 28 ans, un truc comme ça. La borne sponsorisée Steve Vai. C'est ce que j'allais dire. Tu lis dans les pensées, voilà. Ouais. Moi, le premier jeu que je me souviens avoir joué avec un ventilateur pour procurer cette sensation, c'était un jeu sur arcade de Namco, de ski, où on faisait une descente à ski, où on avait deux bâtons de ski sur les côtés de la borne. Alpine Racer, non, c'est pas ça? Oui, je crois que c'est ça. Ah, oui, je crois. Attends, je vais vérifier. Alpine Racer. Namco. Ouais, c'est ça. Alpine Racer, ouais. Ouais, c'est le premier dont je me souviens, comme ça. Je sais pas du tout pour Outrun si c'était le cas. Est-ce que je vais essayer de vérifier? Et donc, Outrun, c'était vraiment... Enfin, je suppose qu'à l'époque, pareil. J'étais un petit peu trop jeune pour avoir vu ces bornes à l'époque. Mais s'imaginer que dans les salons, à l'époque, on n'a que de la Master System ou de la NES, quoi. Bah, je revenais du Népal à ce moment-là. Et Pell, il venait juste de terminer son trip psychédélique. Voilà, c'est pour dire un peu le truc. Voilà, j'avais adoubé le dernier Dalai Lama. Et donc... Ça y est, on l'a perdu. C'est formidable. Ouais. Marche tout seul. Non, mais par contre, tu vois, Outrun, j'ai jamais connu la borne. Tu vois, j'ai jamais joué. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer à la Vogue, parce qu'on avait des bandes arcade et elles faisaient partie de... Alors, par contre, je me pose la question pour cette histoire de ventilateur, si c'est pas un bête ventilo, genre un ventilo de PC, qui était dans la machine, destiné à faire évacuer, en fait, le... genre la chaleur du PCB, du moniteur et de l'électronique. Parce que je regarde là sur des forums, il y a des gens qui parlent effectivement de ventilateurs 120 mm, mais il n'y a personne qui est capable de dire exactement à quoi ils servaient, donc voilà. Mais oui, donc, ouais, désolé. Et... Exactement comme les jeux précédents, évidemment, Outrun a connu son portage sur Master System, plutôt a connu deux portages sur Master System, le Outrun de base et le Outrun 3D. Et alors là, je vais vous donner le conseil exactement inverse à Space Harrier. Choisissez la version Outrun normale, parce que la version 3D, Le problème, c'est que l'effet 3D s'est fait au sacrifice du framerate. Et bon, c'est pas ultra fluide ni super agréable à jouer dans la version 3D. Ah, PowerPoint Simulator 3D. Système, en plus, elle est relativement correcte. Moi, j'ai passé de très bons moments dessus. Par contre, ouais. Outrun Europa, on en parle. Alors après, il y a eu d'autres versions. Après, il y a eu Outrun sur Mega Drive. Non, mais pour le coup, Suzuki, là, il n'était pas impliqué pour Outrun Europa. C'est un jeu de chiasse développé par Prob Software. Donc, pour ceux qui connaissent Prob. C'est les suites, entre guillemets, ouais, d'Outrun. L'Outrun, donc, est sorti sur Mega Drive dans une version qui était tout à fait correcte à l'époque. Oui. Qui était même plutôt impressionnante, même avec le recul d'aujourd'hui. Et Outrun connaîtra d'abord une première suite qui s'appelle Turbo Outrun. Ah ben, je voulais t'en parler. Qui, où Yu Suzuki sera juste impliqué en tant que producteur. Qui est sorti sur Mega Drive au passage. Hein. Qui est aussi petit coucou, Monsieur Sapin, qui l'a fait récemment. Qui est aussi sorti sur Mega Drive et qui est également sorti sur Master System uniquement en Europe en 1992, en toute fin de vie de la console. Et donc ensuite, après, il y a eu donc, Outrun Europa, on en parle. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir d'autre comme une autre version d'Outrun parce qu'après, le jeu a été réutilisé pour d'autres sites, d'autres suites, pas vraiment. Il n'y avait pas un troisième Outrun sur Mega Drive? Je dis peut-être des bêtises. Il n'y en a eu que deux? Il n'y a eu que Outrun et Turbo? Non, il y a eu Outrunners aussi. Ah oui, il me semblait bien. Il y a eu quelques suites qui ont connu plus ou moins de succès. Mais sur le coup, moi, la suite d'Outrun sur laquelle je voulais revenir et en parler. Il n'y a pas un jeu bizarre à Outrun 2010 ou un truc comme ça, 2018 ou... Oui, à Outrun 2019, c'est. Ok. Attends. Hop, je change. C'est 2019. Pop. D'accord. Suite 2018. Non, Outrun 2019 sur Mega Drive, pareil. Mais qui est encore une fois, voilà, c'est un genre, on utilise le nom d'Outrun, on met ça avec des véhicules futuristes qui font penser à une espèce de croisement entre une Batmobile et une Ferrari. Mais c'est pas un jeu exceptionnel non plus. Non, et sur Master System, il y a eu aussi Battle Outrun, pour ceux qui s'en souviennent. Mais tout ça, c'est des suites qui finalement n'ont pas vraiment marqué les esprits, qui se contentaient juste de carrément eu Outrun 2, en fait. Mais Outrun voilà, 2, je voulais parler, surtout en 2003, de la sortie d'Outrun 2. La vraie grosse suite en arcade dans laquelle, alors, sur le coup, Yu Suzuki n'est absolument pas impliqué. Mais par contre, Big Up à Outrun 2 en arcade et sa seconde édition, la fameuse Coast to Coast, que vous pouvez aujourd'hui trouver sur PS2 ou Xbox pour une somme qui n'est pas encore farfelue. Je vous conseille réellement de jouer à ce jeu. C'est l'esprit de l'époque avec un gameplay modernisé. Et il n'est pas dégueu, ouais. C'est quasiment sans faute. Tu sembles apprécier le jeu. C'est un jeu que j'aime énormément, Outrun 2, et surtout Coast to Coast. Il est très bien. Hein. Un esprit d'arcade avec en même temps un jeu qui est quand même assez intéressant à jouer, et pas uniquement une fois et puis on arrête. Quoi. Ouais. Il est sorti sur quelle plateforme, tu dis ça? PS2, Xbox, et je crois qu'il existe des versions PSP. Ah ouais. Je l'avais sur Xbox, la première Xbox. D'accord. La version Xbox a moins d'aliasing que la version PS2, comme d'hab. J'ai envie de dire. Il me semble qu'ils sont pas très difficiles à trouver. Le cost-to-cost commence à être un peu délicat à trouver, mais bon. Outrun 2 sur Xbox, ça va. Ah ouais, si. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Ah, ça vaut. Ouais, ça dépend. Il y a des gens qui te vendent un cost-to-cost à 200 balles sur Xbox. Ouais. Et c'est là où je. Ouais, non, mais là, 200, la barre vendue. Ah putain. Je voulais juste rajouter un petit truc quand même sur le thème musical de Outrun, qui est quand même mythique hein, aussi. Hein. Franchement, les musiques des circuits, c'est fantastique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a tous. Ah, tu l'avais dit ouais. Non, moi j'ai dit que mon morceau préféré c'était Magical Sun Shower. Ah oui, oui. Il n'y a pas un Summer Breeze, non? Il y avait Summer Breeze aussi. Oui. C'est celle-là, moi. La musique de fin s'appelle comment déjà? Voilà, jamais entendu la musique de fin perso. Hein, donc... Moi non plus, voilà, parce que pour ça, il aurait fallu finir le jeu. Et... C'est la musique du Game Over. Ah, mais ça, j'ai entendu beaucoup. Moi aussi, ouais. C'est pour ça que je m'en souviens. C'est mince, quoi. Enfin, bref. Et sur le coup, donc, pour avancer dans les années, qu'est-ce que va faire Yu Suzuki après avoir révolutionné le jeu de course moto, le jeu de course voiture et le jeu de tir. Il va se dire, qu'est-ce que, avec ma technologie, qu'est-ce que je pourrais faire pour impressionner les gens ? Et il va sortir un jeu de navion. Les petits navions. N-A-V-I-O-N. Encore une borne. Il sort quand, Afterburner ? 88, non ? 1987. 87, ok. Juillet 87 au Japon. Encore un jeu dont je me souviens de la borne, mais absolument pas du jeu. Alors, lui-même. Le premier Afterburner en arcade, ça a été très rapide, puisque, en gros, le jeu a connu, bah, pareil, des boires à sa sortie, pour des petits soucis de calibration, de gameplay qui n'était pas tout à fait bien rodé, de jeux et, trop difficiles, etc. Bref. Et de vomi surtout. De vomi. Sega sortira la même année dans la foulée en suivant Afterburner 2 qui en vrai ne change pas du tout fondamentalement le jeu mais qui corrige les errements de la première version d'arcade et la rend plus agréable à jouer pour les joueurs. Ouais. Personnellement je n'ai jamais vu Afterburner en arcade mais j'ai joué à Afterburner 2 par contre qui se joue avec le même système de manche d'avion entre guillemets que Space Harrier. Mais pour le coup, c'est une, comment dire, un PCB totalement différent ou c'est genre un kit de conversion ? C'est que tu parles que Space Harrier ? Ouais. C'est un nouveau PCB. Mais non, mais pour Afterburner 2, je veux dire. Ah non, c'est le même PCB que le premier. Ok. C'est le même board Sega exactement. Ok, d'accord. Ils ont juste en gros corrigé le premier jeu qui était. Ok. Ils ont pas fait comme Nintendo à l'époque, faire des kits de conversion comme pour Mario Bros et Popeye en fait, non ? Non, je crois pas. Là, c'était vraiment des nouveaux jeux, mais genre, il me semble qu'à l'international, en fait, c'est surtout Afterburner 2 qui était distribué. Que le premier Afterburner, c'est un jeu qui est resté assez confidentiel au Japon. Ouais, enfin, moi, je me souviens de la grosse borne bleue et blanche, mais de ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est possible que ce soit le 2, ouais. Est-ce que vous avez joué, vous autres, à Afterburner en arcade ? En arcade, non. Non. J'ai vu la borne, mais je n'y ai pas joué. La borne, elle claquait. Hein. Ouais. Elle était merveilleuse. Hein. Ouais, c'est une fois, je devais avoir une douzaine d'années. Donc, c'était ouais, pas mal d'années après que ce soit sorti. J'étais tombé sur une borne. Autant à Outrun, je trouve, et Engon, bon. Okay. En même temps, le rouge, c'est ma couleur préférée. Donc, pour les bandes sont rouges, donc ça a forcément tiré mon œil. Mais là, pour le coup, Afterburner, je me souviens y avoir joué, mais la borne m'attirait pas plus que ça. Et de la même manière, Afterburner va être adapté sur Sega Master System dans une version correcte. La meilleure jaquette du monde. Après, la version Master System est correcte. Oui, c'est pas ouf, mais ça va. Ça se joue encore. Ouais, d'accord, ok. Le 2, la version Mega Drive va sur le coup s'appeler Afterburner 2, histoire de bien la distinguer du premier. Alors que, bon, c'est pareil, le jeu n'est pas entièrement différent. Le jeu Mega Drive aussi est plutôt agréable sans être non plus oufissime hein, au niveau gameplay. C'est toujours vrai, c'est très simple. Au bout d'un niveau, vous avez déjà compris et fait le tour de tout ce que vous pouvez faire dans le jeu. Ouais. Après, vous apprenez à jouer, éviter les tirs et tout ça. J'aimais pas. Et enfin, le jeu va ressortir sur 32X, dans une version encore meilleure. Et le jeu connaîtra une suite plus ou moins officielle sur Mega CD Afterburner 3, qui, pareil, est sympa, mais sans être foufou. Il y avait une version PC Engine, mais je sais pas si c'est le 1 ou le 2. Je crois que c'est le premier sur PC Engine. Premier, sorti, ouais. Ouais. Et il y a même eu une version NES au Japon uniquement. D'accord. Comme quoi, à l'époque, il y avait des versions NES des jeux Sega. Bah oui. Le jeu va connaître pas mal de suites ou d'enfants plus ou moins légitimes, notamment avec les Galaxy Force, Galaxy Force 1 et 2, qui sont pareil des shoots 'em up d'arcade, dont le second a été adopté sur Mega Drive, qui eux, par contre, sont un petit peu oubliés aujourd'hui. On en parle beaucoup moins, en tout cas. Le jeu va connaître une vraie suite qui va faire date, donc on va en parler quand même parce que c'est important avec le fameux G-Loc Air Battle. Et G-Loc Air Battle est le jeu qui va engendrer ce qui reste sans doute aujourd'hui une des bornes d'arcade les plus impressionnantes des années 90. Donc, du tout à quoi elle ressemble. Le fameux R360. Avec des vérins hydrauliques, quoi. Ok. Ah oui, oui, oui. C'est une merveille. Oui. Ah putain, je l'avais oublié, celle-là. Jamais vue en vrai, mais... Et ça, ça doit être des bornes, mais gigantesques en plus, quoi. Bah, c'est surtout en termes d'argent. J'ose même pas imaginer combien elle a coûté, la borne. Ouais, mais je veux dire, techniquement, elle est... Wow. Bah, c'est pas ça, c'est quelque part... c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps en parlant avec mon cousin, qui, lui, connaît bien le marché d'arcade, en arrêtant un dépanneur, réparateur, installateur. En fait, tu achetais le jeu, mais tu achetais aussi une licence, en fait, pour pouvoir exploiter le jeu. Donc, en plus du coût de la borne, ben, faut que tu payes aussi une petite licence. Alors, tout ça, après, t'as intérêt à pouvoir l'amortir. Hein. Ouais, oui, mais non, parce qu'en plus, l'entretien derrière, ça doit être... Ouais. Ça veut dire toutes les salles de jeu. Moi, j'en avais deux à l'époque, quand j'étais plus jeune dans ma ville, il n'y en a plus maintenant. Mais elles ne pouvaient pas accueillir des engins pareils, hein, je veux dire. Après, on va en parler avec des gros dédiés, des bornes qui sont linkables entre elles, mais il y avait des trucs encore plus fous que G-Lock. Déjà, G-Lock est assez impressionnant. Ouais. Voilà, la partie impressionnante avec G-Lock, c'est qu'on tourne littéralement à 360 degrés à l'intérieur. Ouais. C'est là où on a eu plein de problèmes de vomi. Il y a des gens qui se sont véritablement vomis dessus en jouant au jeu. Pour la petite histoire, il y avait une borne G-Lock R360 au Virgin Megastore de Bordeaux. Lorsqu'il y avait une salle d'arcade au sous-sol du Virgin Megastore de Bordeaux dans les années 90. À l'époque, outre le fait que c'était évidemment la borne la plus chère au niveau de la partie, il y avait un employé alloué à la borne toute la journée qui était devant pour installer les gens, vérifier qu'ils étaient correctement installés, expliquer le principe et voilà. D'accord. Le temps qu'est restée la borne, il y avait toujours un employé devant qui empêchait aussi accessoirement les gens de faire un peu trop les curieux. Et mettre la tête à l'intérieur, bien sûr. Je voudrais juste préciser, hein, pour notre public le plus jeune, hein, donc les Virgines, hein, c'était un peu comme des Fnac. Hein, voilà. Et c'était bien Virgin, c'était très très bien. Voilà, et cette bande d'arcade donc chez Locke a atterri dans une salle d'arcade de Toulouse qui a fermé dans le temps, et aujourd'hui cette bande d'arcade est chez un collectionneur de bornes du sud-ouest qui s'appelle James et son Game Center. HS à l'heure actuelle, parce que personne évidemment n'est capable de réparer ce truc. Mais bon, voilà. Ah, elle a connu une fin triste, mais si t'as ton adresse, dis-lui de la remettre dans le Pas-de-Calais, t'inquiète, on sait faire. non, mais je plaisante même pas. On sait faire. Voilà, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai vu cette borne, elle ne fonctionnait pas. Mais je ne crois pas qu'elle ait jamais été remise en état. Jamais, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus symboles les plus forts de l'entertainment d'arcade des années 90. C'était, ouais. Pour moi, c'est la folie ultime, cette borne. À l'époque, c'était vraiment, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, le futur. Ouais. Tu vas voir après le turfu quand tu vas arriver en 99. Bah, tu sais, celle d'après, elle est pas mal, hein. Celle de 89, hein. Juste derrière Afterburner. Hein. Et juste un petit mot sur le jeu Sky Target, qui est sorti à l'époque donc de la Saturn et qui est sorti également sur Sega Saturn, qui est aussi une suite spirituelle d'Afterburner complètement oubliée. Le jeu est pas si mauvais que ça. Voilà. Si jamais vous avez l'occasion, en particulier, la version arcade est tout à fait correcte et acceptable. Voilà. Pour la petite histoire Afterburner. Parce que c'était Afterburner dont on parlait au départ, c'est ça. Oui. L'autre jeu qui est dû à Yu Suzuki, qui est sorti en suivante, on va passer un peu plus rapidement dessus, c'est le Power Drift, sorti en 1988. Et il est vachement bien. C'est un jeu de course auto... C'est du kart, toi ? Alors, c'est du kart, c'est un jeu qui fait partie vraiment des oubliés, parce que lui, sur le coup, personne n'en parle jamais. J'ai jamais vu la borne. La borne, elle est magnifique. En tout cas, moi, je la trouve magnifique, cette borne. Ah, elle est chouette, ouais. J'ai jamais vu non plus le jeu en vrai. Moi, j'y ai joué c'était lorsqu'ils avaient sorti la compilation, je crois, de Yu Suzuki Works sur Dreamcast ou sur Saturn. Dreamcast, oui. Ouais, sur Dreamcast, ouais. Ouais. J'avais joué à ce jeu en mode, mais qu'est-ce que c'est que... Ah, ils avaient fait ça à l'époque. C'est pas le jeu que je trouve le plus lisible et le plus agréable au monde à jouer. Je sais pas ce que t'en penses. Pour l'époque, je trouve ça cool. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile, mais même encore quand je le vois maintenant, je trouve que ça en jette. D'accord. Après, en termes de lisibilité, hein, quand tu as joué à Space Harrier, je pense que tu peux jouer à tout. C'est pas faux. Donc ouais, c'est un jeu que j'aime bien, moi. Après, oui, comme tu le dis, c'est un jeu qui est inexistant. J'ai jamais vu une seule borne. Oui. Jamais, hein. Moi non plus. Je sais pas. Je sais pas quelle a été sa distribution en Europe. Je pense que ça a été très confidentiel. Hein, mais c'est dommage, oui, parce que c'est... Ils disent Arcade Japon 88, sans plus de précision. Et apparemment, il y aurait une version PC Engine au Japon. Je ne connais même pas l'existence. Wow. Et si, par contre, je confirme, le jeu est bien sorti sur Saturn dans la compilation. Aussi, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, les jeux de Yu Suzuki mineurs, on va dire. Bon, il y en avait aussi un autre. Il y avait Dynamite Ducks. Ouais, mais après, voilà, je voulais rapidement passer sur les jeux dont il n'est que producteur, entre guillemets. D'accord. Parce que sur le coup, voilà, il y a Dynamite Ducks, c'est-à-dire il y avait du Hentai Hero sur Mega Drive. Ah, exact. Ouais. Sword of Vermillion. Vermillion, tu le sais, Vermillion, c'est un jeu qui tient à cœur. Moi, je l'adore, ce jeu. Oui. Sword of Vermillion. Ouais. Enfin, après, il est producteur, voilà, il était juste. Voilà. Et l'idée, c'était donc après cette ère entre guillemets 16 bits absolument dingue où il nous a offert parmi les bornes les plus marquantes des années 90, Yu Suzuki sera une des personnes qui va littéralement inventer les jeux en trois dimensions. Bah oui, de toute façon, il expliquait lui-même. Il pensait déjà à ces jeux en 3D, même à l'époque de... De toute façon, on l'a dit. Il les faisait en modèle 3D déjà de base, donc... Et donc, épaulé par le fameux Sega Model 1, l'arcade, une carte d'arcade surpuissante pour l'époque, en tout cas avec du processeur 32 bits, donc ça rigolait zéro, quoi. Yu Suzuki va concevoir et programmer Virtua Racing et Virtua Fighter. D'ailleurs, pour la petite histoire, la carte Sega Model 1, elle a été en fait... plus ou moins fait en partenariat avec un fabricant d'armement qui s'appelle Lockheed Martin. Ils avaient une technologie 3D qui était un peu plus avancée que les autres, et apparemment, Sega, je crois, ils se sont rapprochés d'eux. C'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, vous avez de la technologie militaire dans un jeu vidéo, ce qui était l'inverse des années 80, où c'était le jeu vidéo qui était plus avancé que la technologie militaire. C'est l'armée américaine qui a demandé à Atari de faire une version dérivée de son jeu d'arcade qui s'appelait Tank, il me semble. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et après, ils ont flairé le filon, les militaires, ils se sont dit, mais c'est bien ça pour nos simulations. Ouais. Et alors là, si vous pensiez avoir tout vu en termes de bande d'arcade, Virtua Racing, c'était... Voilà, donc en particulier sous sa forme Virtua Formula, entre guillemets. J'avais totalement oublié cette borne. Hop, ou attendez, je vais pas. Si tu veux, je peux. Bah, c'était. Si, mais oui. C'était littéralement. Voilà. Mais oui. Vous aviez des cockpits de Formula 1 avec des écrans immenses devant le nez et le borne qui ne contenait pas un cockpit de Formula 1, mais quatre côte à côte. Chose très amusante, c'est le châssis d'une autre borne, en fait. Enfin, comment dire, le châssis de la borne Virtua Formula, il sera réutilisé pour faire autre chose après chez Sega, qui s'appelle la borne Super Megalo, pour ceux qui ont connu à l'époque de Virtua Fighter 1 et 2. C'était des bornes qui étaient faites, en fait, pour le Sega Model 1. D'accord. Et c'est des bornes de malades. Quand je dis malade, je mets un lien dans le chat. Ça prend, je pense, au sol en largeur un truc comme 2 mètres. En profondeur, t'es à 3,50 mètres. T'as un écran immense. T'as deux joysticks. Voilà, t'as vraiment tout ce qu'il faut avec. Ça doit être énorme de jouer. Et c'est comme ça que j'ai découvert Virtua Fighter lors d'un voyage en flipboat en Angleterre avec l'école. Imagine, on m'a donné du pognon pour dire ramène-moi un souvenir de l'Angleterre. Rien qu'à l'aller, j'ai claqué tout le pognon dans Virtua Fighter. C'est pas bien. Attention, en prenant soin de garder précisément un nombre de pièces, en me disant, ok, si sur le retour, il y a toujours la même borne, on est dans le même ferry, il faut que je conserve autant de pièces. Voilà. Donc j'ai passé toute la journée à vivre au crochet de mes potes pour pouvoir mettre des sous dans la machine sur le retour. Voilà. Mais attention, je regrette rien. Et j'ai aussi mis la borne Virtua Racing. Virtua Formula, ouais. Enfin, Virtua Formula, du coup, voilà. Ça, c'est juste une borne. Hein. Mais après, on va en parler. Il y avait des trucs encore plus fous avec les tonneurs. On va parler rapidement du souvenir qu'on a tous en commun de Virtua Racing, à savoir télévisateur. Notre ami Cyril Crevette, Crevet, qui mettait la pâtée à des pauvres petits enfants. Cyril, monstre. Et non, mais c'est vrai, c'est le souvenir, je pense, qu'on a tous eu à l'époque. Ouais. C'était quoi la récompense? C'était un beau cadeau, je crois. Mais et bah, une borne. C'était pas de la console, normalement. Je sais pas, de toute façon, personne l'a battu. Donc, voilà. Tu l'as pas gagné la borne, non? Je crois que moi, non, je pense pas. Bah, non. La borne, non, mais c'était un beau cadeau. Le télévisateur, à l'époque, c'était un beau cadeau. Remarque, si le mec il est sûr de pas perdre. Ouais, il perdait jamais. Moi, c'est tellement comme ça que j'ai découvert le jeu à l'époque. Ouais, ouais. Télévisateur 2, quoi. Voilà. Et après, dans ce qui est sorti sur Mega Drive, bon, où là, forcément, graphiquement, c'était. Ah, c'est pas tout à fait pareil quand même. Alors, ouais, c'est pas tout à fait pareil. Ça reste quand même exceptionnel. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est waouh, c'est monstrueux sur Mega Drive. Donc, pour enseignement, Virtua Racing Mega Drive est le seul jeu de la console qui utilise un processeur additionnel dans la cartouche. C'est ça, ouais. Contrairement à la Super NES, qu'on avait des trous zen, lui, c'était vraiment c'est l'exception. Ils n'ont pas réussi à reproduire ça. La belle exception. Plus tard, sortira Virtua Racing sur 32X, qui évidemment améliorera considérablement la 3D. Ouais. Et Virtua Racing sortira encore plus tard sur Saturn, ouais. Dans une version encore plus complète sur le coup, mais qui paraît un peu datée lorsque vous mettez le jeu. D'ailleurs, ce qui arrivera également... je repasse sur l'autre jeu dont on a parlé rapidement, Virtua Fighter. Je m'en souviens à l'époque, lorsque Virtua Fighter sortira sur Saturn, il se prendra de plein fouet les images de Tekken en face. Oui. Et Sega, sur le coup, en panique, sortira une version particulière qui s'appelle Virtua Fighter Remix. Dans lequel Juste lissé les textures. Ils ont rajouté des textures parce qu'il n'y avait pas de textures en fait. Hein, c'est sur Virtua Fighter. Ce qu'on appelle de la 3D face pleine. Ouais. Et du coup, ils ont rajouté des comme textures. Comme Star Fox. Hein. Bah, comme Virtua Racing. Voilà. Enfin, oui, en fait, comme. Oui. Et du coup, mais Virtua Fighter 2 est sorti très peu de temps après, au final. Quand même. Bah, après, imagine Virtua Fighter, la claque que c'était en 93. Ah oui, oui. Ah bah tu as vu Street Fighter 2 deux ans avant, d'un seul coup là, t'as la 3D. Waouh! Ouais, mais alors tu vois, Beyond, déjà à l'époque, quand même, il se mettait de plein fouet, enfin, il prenait Tekken de plein fouet en pleine face, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, déjà dans les magazines, il le précisait vraiment que Tekken ne faisait pas le poids. Il prenait Tekken de plein fouet quand il est sorti sur Saturn. Pas quand il est sorti en arcade. Bah, quand il est sorti en arcade, c'était le roi, Virtua Fighter. Ah oui, pas seulement. Voilà, on était en 93 et là. Ouais, mais je te parle du point de vue du gameplay. Je me rappelle des tests de Player One à l'époque, au moment de sa sortie, précisait vraiment. Même ça aussi. Voilà. Entre nous, on est en 2018 là. Ouais. Honnêtement, tu peux vraiment dire que le gameplay de Virtua Fighter est 100 fois mieux que celui de Tekken? Oh bah, quand même, carrément pas. Hein. Il est plus technique, il est plus difficile à jouer. Tekken est plus simple à prendre en main. Ah oui, bah oui, c'est non. Ça. Il y a des combos à Tekken qui ne sont pas évidents à faire. Virtua Fighter propose notamment des sauts lunaires qui ne sont pas extrêmement agréables. Le gameplay est différent. Hein. Franchement, tu prends deux, tu mets les deux jeux côte à côte, tu fais jouer quelqu'un. Il s'amusera plus et jouera plus facilement à Tekken. Je pensais pas à Tekken. C'était quand tu le mettais côte à côte avec des jeux comme Toshinden. Pour moi, il n'y avait pas photo. Toshinden, c'était vraiment, vraiment pas bien en termes de gameplay. Non, Toshinden, très très désagréable à jouer même à l'époque. Le problème du gameplay de Virtua Fighter, et ça pour le coup, c'est un truc. Ceux qui n'ont jamais joué à Mortal Kombat ne pourront pas comprendre. C'est le bouton B, à savoir le bouton de la garde. La garde. La garde sur un bouton, oui, c'est vrai. Voilà, c'est la garde sur un bouton. Si t'as jamais joué à Mortal Kombat, tu sais pas. Voilà, tu dis le bouton, il est là. Bah non, si t'es habitué à jouer à Street, tu passes de Street à Virtua Fighter, ça fait mal. Mais en vrai, même à Mortal Kombat, hein, pour moi, la garde sur un bouton, j'arrive pas. Hein. moi, je m'y suis fait seulement avec Mortal Kombat. Après, Virtua Fighter faisait quand même aussi quelque chose de très bien, c'est que. il proposait peu de personnages, mais qui étaient réellement différents les uns des autres. Ouais, c'est vrai. Le roster était vraiment, chaque personnage était vraiment particulier, avait vraiment un style de combat particulier. Et du coup, je reviens quand même. Moi, franchement, j'étais convaincu qu'il était plus riche, et bien réellement, de toute façon. Mais c'était le jeu que je voulais, moi, en fait. Moi, je voulais d'abord la Saturn, c'était pour Virtua Fighter. C'est lui qui me faisait rêver. Tekken, franchement, ça me faisait rien. Du tout. Bah moi, je me suis plus amusé avec Tekken. Mais comme je dis, parce qu'il est beaucoup plus facile à prendre en main. Ah bah oui, oui, ça c'est clair. Il est beaucoup plus austère, hein, Virtua Fighter. Bah oui, c'était vraiment son, c'était austère. Sa force, c'était sa faiblesse. Mais c'est clair. Mais c'était comme alors, ça. Selon un truc que je suis en train de lire, paraîtrait-il que dans le flyer arcade, je sais pas, il précise pas lequel, bien sûr, mais à mon avis, ça va être un flyer Jap, Virtua Fighter aurait plus de 700 mouvements. Ouais. Mais encore maintenant, il y a des gens qui disent, mais où sont les 700? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont ou pas documentés, ou alors qu'ils ont fini par pas être inclus, en fait, dans le gameplay du jeu. D'accord. Alors, pour le coup, je pense que c'était du bullshit marketing. C'est genre, le perso, il fait un pas en avant, c'est compté comme un mouvement. Oui, après, mais comme tu l'as dit, ça reste quand même le pionnier des jeux de combat en 3D. Mais à partir de là, Yu Suzuki va être quand même très, très étroitement lié à la saga Virtua Fighter. Puisque, à partir, donc, comme tu as dit, Chou, de bordes comme Daytona ou Virtua Cop, Yu Suzuki va juste se cantonner au rôle de producteur. Pour le retrouver en tant que vraiment directeur et superviseur d'un jeu, il va falloir attendre. Bah, attendre, c'est un grand mot. En 93, Virtua Fighter vient tout péter et inventer le jeu de baston en 3D. En 94, Virtua Fighter 2 sort en arcade sur le Sega Model 2. Et on peut parler globalement, un peu plus globalement, donc Daytona, j'ai cité Virtua Cop, Virtua Fighter 2, Virtua Striker et Virtua Cop 2, tous ces jeux sortis sur Model 2 et Fighting Vipers. Le modèle 2 en arcade, enfin moi, c'était bon, hein. C'est bon. Désolé, mais j'ai revu un tweet passé aujourd'hui même justement, ça m'a fait rigoler, où d'un mec qui a pris des screenshots de jeux comme ça, donc notamment Virtua Fighter 2 et un jeu avec des robots, alors je sais plus lequel. Et le mec disait, mais regardez comment c'était clean et propre le système 2, c'est un truc de ouf. Et voilà, grosse coïncidence. Digital Foundry a fait une vidéo très intéressante sur Daytona USA et qu'est-ce qui fait que Daytona USA est un jeu fantastique, dont il montre notamment le jeu. Au-delà de la chanson. La qualité de la chanson. Ah, ouais. La qualité de la modélisation, le fait que sur arcade il est à 60 FPS. Le Daytona USA en arcade, ça défonce. Alors, imaginez. Oui. Vous êtes en 94, vous êtes une bande de potes qui zone, voilà, comme ça. Rentre dans une salle d'arcade au pif, et là, devant toi, tu as pas une borne, ni pas deux bornes. Enfin, je vais faire la version courte. Tu as 8 bornes linkées. Tu peux jouer à 8, au même jeu, en même temps. Mais je veux dire, le truc, c'est un machin. Personne n'avait jamais vu ça avant. Hein. Mmh. Voilà, j'ai mis la photo de la borne. Et c'était un truc de fou, ce machin. Au-delà que le jeu a un gameplay fantastique, le linker 8 bornes en même... les unes aux autres, punaise, c'est... Fallait y aller, hein, on parlait tout à l'heure des bandes qui étaient fabuleuses, bon là, t'avais quand même un super écran, bon, t'avais pas les bornes n'étaient pas sur vérin, hein. C'était pas non plus à Outrun, mais... Et en plus, ah oui, je te rate voir la capture, je me souviens, quand tu jouais pas, en fait, les huit écrans, en fait, ils se démerdaient pour faire une seule image. C'est ça. C'est juste... Putain, je me souvenais plus de ça. La vache! Enfin, la borne, elle est juste. Et tu avais. Ça, par contre, je me souviens. 4 télés qui étaient au-dessus, en fait, des écrans pour que tu puisses regarder, en fait, les. Où tu avais le classement des gens et voir comment se passait la course globale. Voilà, ouais. Ça, par contre, je m'en souvenais. Mais le fait que les 8 écrans, en fait, ça affichait qu'un seul rendu du jeu. Là, par contre. Un petit coucou à Patman sur le chat et je suis content que quelqu'un reconnaisse mon avatar. Enfin, c'est tout. Petite parenthèse. Et donc, album de rock voisine, hein, c'est ça. Seul sur le sable. D'accord, j'ai cherché. Et donc, sur le coup, bon, Pour en venir à Yu Suzuki, lui, donc, il va s'occuper de Virtua Fighter. Alors, s'il y a bien deux jeux qui m'ont marqué, moi, personnellement, en arcade, sur Model 2 en arcade, ou deux jeux auxquels j'ai joué à l'époque, c'est bien Daytona USA et Virtua Fighter 2. Ils m'ont d'autant plus marqué que, bah, il y a eu des versions Saturn derrière et que moi, j'ai un peu acheté une Saturn pour ces jeux-là. Mais oui. Et je dois avouer que, quand on joue à les versions Saturn, faut pas avoir envie de se remémorer la version arcade. Ouais, temps, parce... C'est clair. Bon, encore Daytona, ça passe. Daytona, si on accepte qu'il tourne à 15 fps au lieu de 60, ouais, c'est franchement moche. T'as pas le choix. Virtua Fighter 2 s'en sort mieux techniquement, puisque le jeu est super fluide. Je le trouve très très bon, hein, Virtua Fighter 2. Mais le problème, c'est que un jour, j'ai joué à la version arcade. Voilà, oui, c'est ça le problème. Ouais. Et après, on revient sur la Saturn, on fait « Ah ouais ?» Il manque 2-3 polygones. C'est comme Sega Rally. T'as passé du temps à jouer à la version Deluxe dans la borne. Tu joues la version Saturn, même 15 ans, même 20 ans après, tu te dis il y a un problème. C'est normal. Et donc, ouais, Virtua Fighter 2, c'est quoi? C'est Virtua Fighter 1 en 100 fois mieux. Et en plus beau, quoi. Voilà, il est plus beau. Très, très beau. Ils ont rajouté un personnage français qui, pour une fois, n'est pas ridicule. Comment il s'appelait déjà? Lyon Rafael. Ah, Lyon, oui, c'est vrai. Ah oui, oui, d'accord, donc n'est pas ridicule. Lyon, certes, mais... sauf le nom. À part le nom, oui. Vous promets. À part le nom, tout va bien. Rafael, quoi. Trouve-moi un nom typiquement français. Lyon. Ben oui, Lyon, si on est bête. Lyon Rafael, quoi. J'aurais préféré Jean Baguette, à la limite. Et ça. Surtout, l'autre grand personnage nouveau de Virtua Fighter 2, le Gabouret. Ah oui, comment il s'appelait, le vieux? C'est pas petite pelle, non? C'est ça. Je l'attendais. Voilà. Ça, c'était bon main dans Yakuza 6. Il y a la borne Virtua Fighter 5. Oui. Bah oui, et oui. Le vieux tu peux bourré, y jouer intégralement. Hein. Et le vieux bourré, c'est celui avec lequel je me marie le plus. Alors, vous voulez une anecdote débile sur Virtua Fighter 2? Non. Non? Eh ben, tant pis, je le dis quand même. Voilà. Quel salaud. Non, mais de toute façon, j'allais le faire. Quand le jeu est sorti en arcade, enfin, en tout cas, quand il est apparu la première fois dans la salle d'arcade que je fréquentais, c'était l'été 95. Le problème, c'est que le type, en fait, il avait un peu marre. Je squatte sa salle du matin au soir à regarder s'il y a des pièces qui squattaient dans les monnayeurs, s'il n'y avait pas des jeux où les gens avaient laissé un crédit avant de quitter, enfin bref. Donc, le mec, en fait, on avait plus ou moins conclu un marché. C'était que, étant donné qu'il pouvait pas fermer sa salle ne serait-ce que 10 minutes pour aller chercher à bouffer, je faisais ses courses, genre aller me chercher un sandwich, une boisson ou quoi, et mettais des crédits. Le problème, c'est qu'une après-midi, il m'a mis 25 crédits à Virtua Fighter 2. Ouais. Bon, c'est très bien, parce que ben tu termines une fois, deux fois, putain merde, il reste 12 crédits, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a des gens qui viennent, vas-y, bah viens, je connais pas la... Bah viens, j'ai des crédits, on va jouer. Donc voilà, j'ai dû passer, je crois, je suis arrivé, il était 13h, à 19h, j'étais encore là avec des crédits, à plus savoir quoi en faire. Et le mec, pour la petite anecdote, il a vraiment fait l'enfoiré, il a refusé, genre le lendemain, de mettre un ou deux crédits dans un autre jeu. Du coup, le lendemain, quand il m'a demandé s'il pouvait aller chercher un sandwich, je lui ai dit, bah ouais, la boulangerie, c'est en face, je lui ai dit. Ah, oui. Salaud. Ouais. Ouais. Ingrat. J'ai pas été vache, hein. Le surlendemain, j'ai allé, c'est bon. Je vais aller chercher ton coca. Voilà, Virtua Fighter 2. Et comme nous sommes dans les années 90, c'est que les choses vont très vite. En 1996, deux ans plus tard, Yu Suzuki sera à nouveau le directeur du premier jeu du nouveau board de Sega en arcade, le fameux Sega Model 3. Et ce jeu, évidemment, sera Virtua Fighter 3, hein, grande surprise. Virtua Fighter 3 en arcade à l'époque, c'était... Je ne sais même pas comment dire, parce que c'est ça qui est fou, c'est que Virtua Fighter 2, c'était déjà dingue d'un point de vue technique. Le 3, quand on a vu les premières images, on s'est dit, c'est pas possible. Bah, c'est pas compliqué. Le photoréalisme. C'est pas compliqué, c'était plus beau que certaines scènes cinématiques de jeux qui étaient les jeux étaient déjà très beaux d'un point de vue cinématique, et là ça a pété tout. Virtua Fighter 3, il me semble qu'au milieu, par contre, ah bah non, j'ai rien dit du tout. Virtua Fighter 3 va apporter des petites nouveautés quand même en termes de gameplay. Déjà, d'une part, il apporte des arènes qui sont désormais sur, qui peuvent contenir des escaliers ou plusieurs niveaux désormais, ouais. Ce qui était inédit. Et il apporte surtout un nouveau bouton dit d'évasion qui permet de tourner autour. Il n'y avait pas un autre truc, Virtua Fighter 3. Il n'y a pas un perso qui a un contre quand tu appuies sur un bouton. Bonne question, mais je sais que le mode évasion, entre guillemets, ouais, c'est une nouveauté de Virtua Fighter 3. Ah oui, non ? Ah oui. Il me semble que le perso, il a des contres. Enfin bref. Et Virtua Fighter 3, ben, paradoxalement, c'est un petit peu Sega qui retombe encore dans son propre piège, puisque ben, c'est la même chose qu'avec Virtua Fighter 2, c'est-à-dire que Virtua Fighter 3 était censé, d'une part, déjà sortir sur Saturn. On le sait aujourd'hui, il y a eu des versions qui ont été tentées sur Saturn. La preuve, on retrouve certains mouvements de personnages de Virtua Fighter 3 dans Fighter Megamix. Mm-hmm. On sait que le jeu, qu'au départ, Sega avait l'ambition d'adapter le jeu sur la Saturn, mais apparemment, c'était pas une très très bonne idée. Pour finalement, un jeu qui s'est retrouvé sur la Dreamcast. Mais, et c'est là que les rêves se sont brisés, malheureusement, la Dreamcast, c'était pas le modèle 3 en termes de puissance. Et disons que c'était très bien. Mais... C'était très bien, on n'était pas au niveau du modèle 3 tout à fait, qui vraiment était un monstre, mais un monstre, voilà quoi. Et c'était vraiment, d'ailleurs le modèle 3, c'est la dernière carte Sega, où Sega dépensera sans compter, il n'y aura pas de modèle 4 après. Hein, c'est la... Ouais, t'as le Naomi après, je crois. Après, justement, Sega va faire la même chose que Sony a eu l'intelligence de faire dès le début de la PlayStation, savoir harmoniser ses cartes arcade sur ses consoles de salon pour faire des conversions fidèles. C'était pas Sony, hein, ils avaient plus ou moins basé la PlayStation, je crois, sur le sur la carte de Namco. Oui, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est ce que Sony aura l'intelligence de faire avec sa PS1, c'est-à-dire une console proche d'un hardware d'arcade pour pouvoir avoir des conversions 100% authentiques. Système 11, je crois, Namco, c'était ça. Oui, c'est ça. Et parce que le problème du modèle 3 en console de salon, c'était pas réaliste. J'aimerais juste faire une petite parenthèse sur un jeu moi qui m'a beaucoup marqué, modèle 3, auquel j'ai eu la chance de jouer à plusieurs reprises à l'époque, qui fait partie des grands oubliés, pareil, c'est Scud Race. Merci, j'avais la page qui était ouverte. Ouais. Je disais, oula, si on a envie d'en parler, ça va pas aller. Oui. D'ailleurs, moi, le jeu m'a marqué uniquement parce qu'il s'appelait Scud. Et que j'en rigole toujours encore en me disant Scud. Quel est le con qui a eu l'idée de nommer ce jeu? Ah merde. Et donc, pardon. Scud Race, c'est sans doute pour moi un des meilleurs jeux de course d'arcade qui ait jamais existé. C'est un peu le fils spirituel de Daytona, non? Un peu, ouais. Avec encore plus de grandiosité, de grandiloquence dans les décors qui sont juste. Ah ouais, non, t'as des ombres, t'as des courses la nuit. Si je me souviens bien. Voilà. Après, tu passes à un moment dans une espèce, tu passes sous l'eau dans une espèce, tu sais, de oui. Grand. C'était Scud Race, ça. Je pensais, ouais, que c'était. D'accord, ouais. C'est dans Scud Race, ce jeu. Le tunnel et dauphin, c'est pas ça? Mm-hmm. Ok. Hmm. Voilà, et ça fait vraiment. Moi, je me souviens, j'ai eu la chance d'y jouer. J'ai eu la chance d'y jouer plusieurs fois à l'époque. J'ai passé un été, ouais. Ou pareil, qui avait un peu les mêmes bornes que Daytona, en face, ouais. Voilà, que Daytona, où on avait un grand nombre de joueurs côte à côte les uns par rapport. Je ne sais pas par contre s'il était linkable à 8, celui-là, je ne me souviens plus. Bonne question. 4, c'est certain, mais 8. Et la particularité de Scud Race, c'est que c'est un des rares jeux d'arcade Sega qui n'a jamais été adapté, ouais, sur aucun autre support. Il n'existe pas d'aucune autre manière. Je sais même pas s'il est émulable, en fait. Le modèle 3 normalement est émulable. Okay. Je connais pas trop les. Par contre, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne parce que c'est pas trop mon rayon. Mais il me semble que le modèle 3 est émulable. Ouais. Et là aussi, hein, tout comme Daytona, hein, 60 FPS constant, hein, pas d'embrouille. Pas de bullshit. Moi, j'ai vu la borne une fois, j'y ai joué qu'une fois. Et le jeu, j'en ai aucun souvenir. Il n'avait véritablement aucun souvenir. Il était fabuleux. Et donc, on va continuer avant. C'est déjà 22h45. Hein, on va, si ça se trouve. Non, je présenterai un jeu une autre fois. On va continuer. Je vais juste parler rapidement. Il n'a plus fait grand-chose de marquant après, de toute façon. Non, je vais juste parler rapidement de. Parce que on imagine vraiment. Enfin, Yu Suzuki, c'est la folie des grandeurs et ça a toujours été le cas. Parler rapidement d'un jeu, du dernier jeu auquel il a vraiment participé avant de parler du jeu, hein, qui est le fameux Ferrari F355 Challenge. Ah, beaucoup à dire sur ce jeu. Alors, Ferrari F355 Challenge, c'est quoi le principe ? C'est en multi, on a vu toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort. T'as vu, t'as une borne, trois écrans. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut faire une borne qui se joue tout seul, sauf que sur le coup, on va mettre plusieurs cartes à l'intérieur avec plusieurs écrans. Voilà, t'as trois écrans. T'as trois putains d'écrans immenses. Mais quand tu rentres dans la borne, tu dis « Ok, je regarde où ? À gauche, à droite ou tout droit ?» Voilà. J'ai eu l'occasion d'y jouer pendant un été. J'ai plus revu la borne après, mais t'inquiète, c'est partie des jeux auxquels je me souviens très bien à quoi ressemble la borne. Vous rentriez dans une grosse borne avec trois écrans où vous aviez littéralement la vision. Voilà, vous pouviez tourner la tête et regarder autour de vous les concurrents. C'était juste. J'y ai joué une fois aussi, une seule. J'ai eu l'occasion, mais c'était dingue. Non, juste l'écran titre, c'était pas une vidéo avec des vraies images je sais plus. Ferrari sur un circuit ou je sais pas quoi. Non, je confonds avec un autre truc. Bonne question, j'avoue que. Ok, bon. Pas trop de souvenirs. Ouais. Moi, j'ai pas joué. Le jeu est sorti sur Dreamcast et PlayStation 2, vu qu'il était basé sur la carte Naomi. Mais évidemment, vous pouvez pas jouer avec trois écrans. Donc, ça perdait un petit peu de son intérêt. Le vrai intérêt du jeu, voilà, c'est ça, c'est vraiment sa borne d'arcade. Je sais pas si on peut encore arriver à trouver ça aujourd'hui. Oh, aucune idée. Oh bah maintenant t'as des gars très très vénères qui font ça chez eux, hein, donc la borne d'arcade, je sais pas. Ouais. Peut-être des gens qui l'ont conservé, quoi. Ouais, c'était assez exceptionnel, ouais. Et donc, on était là sur une carte Naomi. Donc, la Naomi, je rappelle, c'était l'équivalent de la Dreamcast en arcade. Et donc, sur le coup, les conversions étaient parfaites et vachement plus rapides. Tout de suite, on avait vraiment l'arcade à la maison. Et oui. Et je crois que... Oui. La phrase qu'on entend depuis les années 80, quand même. L'arcade. C'est ça. Et là, on l'avait. Et comme on vient de le voir, l'arcade à la maison, ça passera surtout par les... cartes de borne d'arcade sont les mêmes que les consoles de la maison. Et non pas on fait des adaptations sur des hardware moins puissants. Puisque donc si Sega avait continué dans ce rythme-là, je dirais, voilà, même le modèle 3 avait déjà des specs supérieurs à la Dreamcast en 96. Donc c'était pas possible. Et peut-être aussi que la folie des grandeurs a un peu rattrapé Sega à cette époque en arcade. On se souvient notamment, juste pour faire pour parler des bornes un peu dingues, les bornes initiales c'était vers quelle année ? C'est plus tard, c'est beaucoup plus tard, 2002. Ouais, 2002. C'est ça, ouais. Voilà, Sega sera rattrapé par sa folie des grandeurs avec les bornes d'arcade Initial D dans les années 2000. Là, c'est voilà. Là, c'est carrément une borne où il y a un circuit où on drift avec déjà vu qui passe en. Non, c'est pas ça. Voilà. Ceux qui n'ont jamais vu Initial D, je sais pas si je trouve une bonne photo de la borne où on a carrément donc la voiture entière dans laquelle on s'assoit. Mais par contre, oui, la voiture entière. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, voilà. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment. J'allais dire, c'est l'héritage de Yu Suzuki, hein, directement. Oui, oui. Bon, je sens que Pelle ronge son frein là. Ouais, oui. Il va falloir qu'on en parle. Mais de quoi ? Après avoir fait le bonheur des joueurs d'arcade pendant des années, inventé des nouvelles technologies, fait découvrir la 3D au grand public, inventé même ce que deviendront les jeux 3D plus tard, je tiens à dire que tout ce que tu viens de citer là, c'est même pas pour ça que les gens ils le connaissent maintenant, alors que c'est pourtant. Ben oui, malheureusement, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. C'est pourtant sa plus grosse contribution au monde du jeu vidéo ludique, point de vue, dire technique. Enfin, voilà, je voulais juste. Et pourtant, Yu Suzuki se servira donc de tout ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, ce qu'il a apporté à une entreprise comme Sega pour se laisser pour arriver à avoir des crédits pour créer une œuvre qui finalement va devenir l'œuvre sa plus personnelle, puisque il y laissera tout, il y laissera sa carrière, il laissera quasiment même les comptes de Sega à sec. Et donc, sur le coup, on va parler de ce pourquoi Yu Suzuki. Tout le monde parle de Yu Suzuki aujourd'hui, à savoir sa plus grande œuvre et sa plus mégalomane, qui oui. est la saga Shenmue. Voilà. Alors, enfin, le Shenmue, c'est quoi, monsieur Pell? Pell, c'est à toi d'en parler. C'est un jeu vidéo. Ah non, je sais pas quoi en dire. Moi. Alors Shenmue, déjà, d'une part, je vais t'aider un peu. Shenmue, c'est quelque chose de nouveau pour Yu Suzuki. C'est le premier jeu qu'il supervise avec une narration. Alors ça paraît con à dire, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas fait de jeu avec narration. Mais... Les gars, on ne sait même pas s'il sait écrire une histoire. Il n'a pas fait de jeu dédié directement à une console de jeu, en fait. Voilà. Ni à une console de jeu, ouais. Il a fait des jeux d'arcade où donc on s'assoit et on joue. Là maintenant, Yu Suzuki, il a écrit une histoire longue. Bah, à part ses passages de producteur, hein, quand même. Bah, quand il était producteur, oui, mais c'est pas pareil, hein, entre être un producteur et être vraiment le mec qui le fait. Oui, quoi. Oui. Donc, l'histoire de Shenmue fait combien de chapitres au total, monsieur Pep? Bah, 16 chapitres. Hein. 16 chapitres. Voilà, donc le Shenmue 1 en fait, correspond au premier chapitre. Et Shenmue 2, le chapitre 2 à 6. Et donc Yu Suzuki a l'ambition de nous narrer une histoire qu'il a inventée du début à la fin. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et le problème, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va en plus essayer de mettre dans son jeu plein de choses. Pelle, c'est à toi. Oui, bah, plein de choses. Ouais. Je veux dire, mais tu sais, tu avais arrêté le niveau les trucs arcade, alors que le jeu chez nous il avait commencé à être développé sur Saturne, hein, quand même. Voilà, historiquement, ouais. Shenmue au départ a commencé à être développé sur Saturne. On le sait parce qu'on développe une vidéo bonus. C'est ça, et on voit déjà les premières les images. Hein. Le jeu était extrêmement beau déjà sur Saturne, mais là il aurait fallu un nombre de CD. Le jeu avait déjà une ambition assez dingue sur Saturne, il n'y a aucun problème. Et qui lui-même était à la base aussi une adaptation. À l'origine, c'était Virtua Fighter RPG. Hein. Il me semble bien qu'on dirigeait Ryu et que le jeu a évolué pour devenir avoir lui sa propre identité en fait. Mm-hmm. Voilà. Bah, l'idée, voilà, parce que qu'est-ce que c'est au final Shenmue? Bah, Shenmue, c'est un Virtua Fighter avec une histoire autour. Oui. Ouais, ouais. Avec le côté monde ouvert aussi. Hein. Est-ce que ça existait déjà? En fait, ce qu'il a essayé de faire, c'était un espèce de vrai RPG, dans le sens où on joue vraiment quelqu'un qui a une vie. Oui. Ouais, ouais. Et qui a un but, une quête et tout. Mais... Oui, ouais, et ça, on le remarque même dans tous les détails des PNJ, parce que eux-mêmes ont une vie, de toute façon, vraiment calée sur des horaires, hein, par jour, par heure et tout. C'est assez fou, hein, le travail du jeu, quand même. Et donc, sur le coup, Yu Suzuki va avoir une ambition tellement dingue que il va engloutir des sommes absolument folles chez Sega pour arriver à créer le jeu qu'il a dans la tête comme il l'a dans la tête. Le premier Shenmue, pour en penser, on tient sur 3 GD-ROM à l'époque. Un GD-ROM, c'est 1 gigaoctet de données, ça fait 3 gigas. Alors aujourd'hui, ça peut paraître dérisoire. À l'époque, c'est considérable. C'est beaucoup de place. Hein. Voilà. Et donc, Yu Suzuki, c'est tout ce qu'il a voulu donner dans Shenmue. Il a voulu créer un monde ouvert dans lequel on peut vivre, comme tu dis, moi, c'est-à-dire soit suivre une histoire, soit flâner. Et un monde qui se veut tellement cohérent par rapport à la réalité que un monde où tu dois même parfois attendre certains horaires en faisant autre chose que te focus sur ce que tu as à faire parce que tout simplement, le jeu te dit, là il faut que tu ailles voir tel personnage en fin de journée, là c'est 10h du matin, voilà, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu peux poser la manette, aller faire un tour. Et va à la salle d'arcade. Alors, va à la salle d'arcade. Tu peux aller dépenser du pognon dans les gachapon. Tu peux parler à des gens. Tu peux aller voir la petite fleuriste en te disant mm-hmm. Je vais lui mettre un petit. Avoir un ton... Qu'est-ce qui se passe là? Nozomi, la petite fleur. Tu peux faire ton petit boulot aussi, Chariste, là. Voilà. Alors, c'est un jeu aussi qui. Pas le rappeur de gagner. Oh là. Oh là. C'était tout pour moi. Au revoir. Et c'est ça, en fait, qui reste aujourd'hui. Enfin, pour moi, on va pas se mentir, ici, on n'apprécie pas tous Shenmue. Hein. Surtout en particulier le premier épisode. Qui commet quand même de. Mais oui, je cherche Momo. Ouais. Qui commet quand même de grosses erreurs en termes d'écriture, de narration et surtout de rythme. Qu'est-ce que je m'étais fait chier à y jouer et Beyond mettait les formes et là, il y a Monsieur Chou qui arrive. Ah non, mais j'ai pas pu, je suis désolé. J'ai pris la banane à l'époque. Tu lisais la presse, jeu fabuleux, machin. Au bout de 10 heures de jeu, j'ai prêté le jeu à un pote, j'ai dit, écoute, viens, tu me raconteras. 3 jours après, il est venu. Littéralement, il m'a acheté la boîte à la figure. Il m'a dit, c'est quoi ton jeu? Je dis, il paraît qu'il est très bien. Il m'a dit, plus jamais. Mais il est très bien. Je me suis forcé. Il est très bien, le jeu. Non, mais bien sûr. Je dis pas, j'ai pas le contraire. C'est juste que j'ai absolument pas aimé. Après, c'est partie voilà. Des jeux auxquels j'ai beau pas aimer y jouer à l'époque, sans doute. Sans doute que j'y rejouerai maintenant, j'aimerais toujours aussi peu le jeu. Mais n'empêche, il y a des qualités. Quoi. Non, après, moi, j'adore le jeu, mais le rythme, il est... Qu'est-ce que c'était lent, particulier. Moi, j'y avais joué... C'était lent comme un discours de Raymond Barre. Voilà. C'est un pote qui avait une Dreamcast. Et... Je ne connaissais pas du tout la console, en fait. Et du coup, il m'a fait jouer à plusieurs jeux. Et il m'avait dit, je te laisse le meilleur pour la fin. Et là, il me sort Shenmue. Et j'ai... en plein milieu du jeu je pense et à un moment je sais plus ce qui se passe alors il était en pleine scène de combat justement les fameuses scènes de combat de Shenmue qui même s'il n'a pas inventé ce système il les a quand même démocratisé on va dire les QTE Shenmue hein. Je tiens à le rappeler quand même et donc voilà mais tu vois ça enfin parfois je vois les bastons je suis un truc de ouf et tout et puis après il dit alors je dois aller voir lui comme tu disais Beyond à 19h et là il est 11h et du coup j'ai rien à faire et là moi dans ma tête je comprenais pas en fait le principe de rien faire non mais c'est vrai j'ai eu un gros stun mental tu sais et après il marchait, il parlait et tout, je fais d'accord. Et puis après, il m'a quand même expliqué, il m'a dit, mais si, je peux aller à la salle d'arcade, je peux faire des trucs et tout. Et là, j'étais un petit peu rassuré, mais la première fois qu'il me sort ça, je suis, mais quoi? Tu sais, moi, j'ai joué à Mega Man, j'ai joué à des trucs, enfin voilà, ne rien faire, qu'est-ce que tu me dis là? Ouais. Ah, c'était déjà, ouais. Et... C'est déroutant. Ouais, c'est très déroutant. Et l'autre partie du jeu qui je parle tout le monde en parle toujours quand on parle de Shenmue, c'est le fameux la fameuse partie chariste en Fenwick où ça a marqué les joueurs ça. C'est-à-dire que après avoir passé outre le fait d'aller voir à droite, à gauche, de parler à quelqu'un qui t'envoie parler à quelqu'un qui t'envoie parler à quelqu'un qui t'envoie parler à quelqu'un, le jeu il finit par te demander de travailler comme dans la vraie vie. Chariste Simulator, qu'est-ce qu'il va faire? Par contre, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de joueurs du jeu qui ont eu envie de se lancer dans une carrière de chariste. Cela dit, avant la partie chariste et la partie Fenwick, il y a quand même la partie déplacer les caisses à la main, avec ces QTE atroces qui marchent quand elles ont envie. Hein. Déplacer les caisses à la main, c'est dans le 2, ça. C'est dans le 2? C'est dans le 2 en version Jap, Migi Migi et Dali Dali. C'est le 2. Ah, je croyais que c'était l'an premier. Non, vois, non, le 1, tu fais juste carré. C'est le 2 où tu dépasses. On te fait confiance pour ça, Boss Dick. Ouais. Et donc, et finalement, ce qui est dingue dans le premier Shenmue, c'est que les gens s'en souviennent pour son rythme lent, pour la partie Fenwick, mais personne parle en vrai de l'histoire tellement du jeu. Alors que je pense que c'est pour ça que les gens l'ont aimé, justement. Bah, l'histoire est bonne. Elle est simple. Elle est très très simple de base, c'est juste une histoire de vengeance. Mais après, c'est la façon dont comment c'est rencontré. Comment c'est raconté. Voilà, c'est la narration. Ouais. Et puis n'oubliez pas, hein, on passe de la PS1 oui. à la Dreamcast. Je sais pas, en fait, il faut remettre les choses en contexte. Ouais, ouais, non, hein. Ça. Et puis, moi, comme, oui, comme je disais, moi, ce qui m'avait absolument bluffé, par contre, c'était les. Ouais, c'était les bastons. Parce que, mine non, de c'était, rien. C'était le modèle de Virtua Fighter. Bah ouais, c'était, ouais, non, mais, c'était ouais. peut-être de la QTE ou quoi que ce soit, mais putain, c'était péchu, quoi. Oh la vache. C'était bien implémenté dans le jeu, en fait. Ouais, ça ouais, arrivait ouais. au bon moment. Par contre, si je me souviens bien, à l'époque, le jeu, c'était parti d'un, entre guillemets, d'un Virtua Fighter RPG. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Par contre, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant que j'étais au téléphone. Oui, Appel l'a dit. Il a évoqué le Virtua Fighter RPG avec Akira en personnage principal. D'accord. Désolé. Non, pas de mal. Mais par contre, voilà ce qui. La Dreamcast ramait par moment avec le jeu. Ça, c'était indéniable. Même temps, c'était compréhensible. L'autre chose qui moi me marquait à l'époque et après quand j'ai essayé d'y jouer sur Dreamcast, et là je m'adresse à tous les possesseurs de PS4 et de One aujourd'hui, jouez à ces versions là parce que vous allez respirer, ce sont les temps de chargement qui étaient quand même à la limite du supportable, parce que une demi-minute pour changer de zone, le jeu il avait assez vite votre patience à l'époque en vrai, hein. Bah, ça dépend si tu aimes le jeu ou pas. Toi, tu n'aimais pas le jeu, donc effectivement. Voilà, moi j'avais du mal à rentrer dedans. C'est et ça, en plus, le jeu différence. Qui me disait pendant 30 secondes qu'il mettait son écran noir avec la date et qu'il disait bah, voilà, attends. Je disais oui, d'accord. Mais quand tu voyais le jeu, tu comprenais pourquoi tu attendais. Parce que c'était normal. Comme j'ai dit, il ne faut pas oublier l'époque à laquelle il est sorti, ce qu'il y avait avant et ce qu'il a fait. Voilà. Et en termes de fossé technique, je pense qu'on n'aura plus jamais ça. Le fossé technique était tellement énorme que. C'est après, l'autre chose qui faisait que qui fait que les gens ont été marqués par Shenmue 1 et surtout Shenmue 2, comme l'ont bien précisé donc Digital Foundry dans leur vidéo, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on te proposait un jeu, il fallait faire attention à ce que tu faisais, à qui tu parlais. Il y avait certes ton petit calepin dans lequel Ryo marquait ses indices, mais notamment dans Shenmue 2 au début, quand on te demande d'aller chercher certaines boutiques, on te met pas une croix sur la carte. T'as le nom de l'enseigne et c'est à toi à te balader dans la rue. Regarder les enseignes à gauche et à droite jusqu'à trouver celle que tu dois aller voir. C'est ça. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mm. C'est là, je pense, la chose principale qui a changé en 20 ans. Aujourd'hui, on va te mettre une croix. On va dire c'est là. Oui, oui, oui, c'est vrai. Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Ah, tu connais. Ah bon, Dark Souls. Là, j'ai failli sortir le gros mot. Je suis parti sur un Zelda, mais j'ai failli sortir le gros mot, c'est vrai. J'ai un Breath of the Wild, pardon. Mais oui. Dark Souls, oui, bah, Dark Souls se fait. Et c'est là où je dis aux gens qui disent que Dark Souls, il te lâche dans la nature, les gens sont pas habitués. Enfin, il y a des jeux qui l'ont fait avant, quoi. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Oui. C'est bien Dark Souls, mais arrêtez de nous casser les couilles. Ah oui, c'est très bien. puis quelque part, est-ce que ça serait, mieux pour un jeu comme Dark Souls, par exemple, qu'on prenne par la main pour t'apprendre certaines mécaniques, non, je pense pas. Non, parce que c'est pas le but. Voilà, but, c'est exactement. C'est que t'en chies et tu pleures du sang. Voilà. Et dans Shenmue, c'est pareil. Le but, c'est qu'on te dit va à telle boutique, et le but, c'est que de t'immerger dans le monde, voilà, et de trouver exactement. La boutique. Et ton perso sait pas où elle est, donc toi, tu sais pas où elle est, c'est normal. Mais pour faire une analogie, à l'époque, pas de GPS. Voilà, là, mais exactement. Vous n'avez pas Google Maps dans vos smartphones, les gars. Et encore, on parle du premier. Le premier, là, c'est relativement petit. On parle de Shenmue 2 avec... Bon, le 2, j'ai jamais fait. Donc, en termes de recherche, oui, bah cherche. Parce qu'il y a beaucoup. J'ai beaucoup. C'est grand. C'est monstrueux. Après, oui. Le 2, il règle quand même certains problèmes de... Donc, Shenmue 2 est sorti en fin de vie de la Dreamcast. Bon, Sega, la tête de Sega était déjà mise à prix. La Dreamcast était déjà terminée. La sortie de Shenmue 2 a été tellement chaotique que donc il est sorti en Europe, il n'est jamais sorti en Amérique du Nord, sur Dreamcast en tout cas, où la Dreamcast était déjà finie, hein, en Amérique du Nord. Le 2, ce serait pas plus vendu sur Xbox que sur Dreamcast. Il y a une version Shenmue 2 USA, hein. Avec le doublage, normalement, il me semble. Doublage américain. C'est Shenmue 1, USA. Ah avec bon le doublage anglais de Shenmue 1 dans Shenmue 1 japonais. D'accord. Et donc oui, parce que le premier Shenmue, parce qu'il y a pas que le jeu lui-même, le premier Shenmue avait été entièrement doublé en anglais, et quand on voit le nombre de dialogues qu'il y a dans le jeu, pour l'époque, c'est monstrueux. Du boulot. Il n'a jamais été traduit en français au niveau des textes, puisque Sega a renoncé à faire des localisations à l'époque dans toutes les langues. Et Shenmue 2, à l'époque, donc il n'y a même pas eu de doublage en anglais pour la sortie Dreamcast en Europe. Ouais. Et malheureusement, enfin, Shenmue, voilà, c'est le jeu a... la conception du jeu a englouti tellement d'argent qu'on sait que ça a été fatal à Sega, qui déjà n'allait pas très bien avec Dreamcast. En fait, c'est aussi de la faute à Sega, ils n'ont pas vendu assez de consoles. Oui, même si puis, voilà, non, mais puis Sega, chaque acheteur de jeu, chaque acheteur la méchante hein. Dit que vas-y, dis pas. Bah ouais, bah qu'en fait, pour qu'ils s'en sortent financièrement, il aurait fallu que chaque possesseur de Dreamcast achète 3 fois le jeu. Bah ouais. Voilà. Mais ils sont pas. C'était mort. Ces gars se sont défoncés, même dès la Mega Drive, en fait. Hein, Oui, non, mais c'était récurrent chez eux. Voilà. Shenmue 1 et 2 ont connu un vrai succès et critique et commercial. Oui. Mais ça n'aurait jamais pu être suffisant. C'est 2 millions de ventes pour les deux jeux. Ouais, et donc tu vois, c'est pas ridicule. Hein. Donc, mais c'était pas assez, comme dit Billon, ouais, ça pouvait pas. Non, qui allait acheter 3 fois le jeu, franchement. Voilà. Et bah maintenant, il y aurait des gens qui seraient prêts à le faire. Hein. Je connais des gens qui achètent 3 ou 4 versions du même jeu. Ouais, c'est vrai. Voilà ce qu'il aurait fallu à Mais bien. Ouais. Et malheureusement, enfin voilà, c'est-à-dire que Shenmue 1 et 2 a tout emporté avec lui. Il a emporté Sega et il a surtout emporté Yu Suzuki. Ouais. Oui, parce qui est tombé totalement en disgrâce. Ah ben ils l'ont mis dans un placard. Hein. Ils l'ont laissé dans la boîte parce qu'ils ne pouvaient pas le virer, parce que ça ne se faisait pas et que c'était quand même un daron de Sega. Mais ils l'ont mis dans un joli placard. Ouais. Malheureusement. Ouais. Et il en est ressorti tout déboussolé. Alors oui, parce que du coup, Shenmue 2 se termine sur un gros cliffhanger. Alors j'aimerais qu'on me dise pas quoi, parce que moi j'ai pas fait, donc puis on va pas spoiler, mais apparemment se termine sur un gros cliffhanger de la mort. Ou... tu fais ce fils de méchant cliffhanger. Il est encore en travers de la gorge, celui-là. D'accord, voilà. Et donc, Shenmue 2, 2001, on te dit clairement, l'histoire elle est pas finie. Du coup, il fallait... Là, le Shenmue 2 est à l'image de toute la conception du jeu, c'est-à-dire sans concession. Il est tellement sans concession que même sachant que c'était foutu, même sachant qu'il ne ferait jamais de 3 à l'époque, il n'a pas fini le jeu, il n'a pas fini l'histoire. Il a dit je vous emmerde, c'est ma vision, je l'ai vu comme ça, ça finira comme ça. Et c'est tout. Ouais, mais sa vision sur la dernière partie du jeu, je pense que déjà à l'époque, il y a des gens, ils ont chié dessus, mais je pense aux joueurs de maintenant. Qui découvre le jeu et qui joue cette dernière partie. Déjà que de base, le jeu, ils vont avoir du mal, mais s'ils arrivent à faire Shenmue 2 et arrivent à la fin, ils vont la haïr. Mais vraiment, parce que moi, je la haïs. Hein. Bah non, parce qu'on sait qu'il y a le 3 maintenant. Ah non, on le sait, nous, qu'il y a le 3. Oui, non, mais c'est la façon de faire. Ah, la façon de faire, ok. La façon d'y aller. D'accord, ok. Bah mais voilà. Je comprends ce qu'il a voulu faire après, en termes de gameplay. Jouzy, tu verras. Ouais, voilà, ouais, comme ouais, tu l'as dit, moi, ça y est, tu l'as révélé au public, t'as spoilé complètement. Bah oui, il faut le dire. Il va se passer quelque chose lors de l'E3 2015. Et un scandale, d'ailleurs, au passage. Avec le recul, c'est sans doute la pire façon d'annoncer la suite de Shenmue qui soit. Ah, mais moi, je suis blasé parce que j'aime le jeu, donc moi, ça m'a... On voit donc Yu Suzuki apparaître durant la conférence de Sony et dire... Bonjour les gens, je veux faire Shenmue 3, donnez-moi de l'argent. Mais n'oublie pas où il le fait et sur la scène de qui. Attendez les gars, il a pas dit faut que vous payiez mes factures, je vais rester assis toute la journée à jouer des vidéos. Hein. C'est Yu Suzuki hein, qu'on parle, hein. C'est pas les youtubeurs et les streamers américains. Quoi. Il vient sur la scène de Sony demander de l'argent pour faire Shenmue 3. Mais c'est pire que ça, c'est Sony dit regardez Shenmue 3, c'est trop bien. Par contre, on met pas une bille dedans parce que faut pas déconner. Ouais. Bon, après, en vrai, ils ont quand même participé au financement à hauteur de. Le truc, c'est que évidemment, il s'est passé deux choses. D'une part, un financement à une vitesse folle qui a explosé toutes les ambitions, et d'autre part une shitstorm considérable qui a quand même obligé Sony à dire bon alors attendez, on va payer on va donner des sous. Oui, mais juste pour la communication. Ouais. C'est-à-dire que pour le jeu, ils n'auront rien. Mais la communication, ils s'en chargent. Bon, on sait que la communication dans un jeu, ça coûte du fric. Ouais, grosse là, partie du jeu. Parlant de communication, justement, je pense que, en plus, ce qui est fabuleux avec Shenmue 3, c'est que autant il déchaîne les passions et les engouements, autant, ben justement, la communication au début a été chaotique, avec notamment, on se souvient du premier trailer qui avait été montré avec ce personnage de cire inexpressif. Et où, donc là, Deep Silver est arrivé c'est ça. Et a dit « Bon, les gars, je crois qu'il y a des trucs que vous ne savez pas très bien faire, donc... » On va vous aider. Non, parce que même encore maintenant, je ne comprends pas l'intérêt de montrer ce trailer. S'ils voulaient saboter leur projet, c'était le truc à faire. Il fallait rien montrer. Basique. Fallait faire comme Rockstar, ou tu montres rien, tu travailles. Mighty Number 9, où les mecs, la semaine de lancement de leur jeu, ils font un trailer de chiasse, qui, en plus de ça, déprécie leur travail et va faire parler de plus qu'en négatif. Ouais, mais là, c'est différent. Inafune est un escroc. Là où Suzuki n'en est pas un. Attends, le trailer de lancement était moins bon que le jeu lui-même. C'est-à-dire que quelque part, le trailer de lancement, il donnait quand même la couleur. Hein. Il disait attention, le jeu est plus la merde, il est plus tellement la merde qu'on t'insulte même potentiellement dans le trailer pour dire allez, t'es gentil, mais va chier. Voilà. C'était ça un peu Mighty No. 9. Ouais, d'ailleurs, je pense que encore maintenant, je le croise dans la rue, Inafune, il perd quelques dents. Hein. Sans rire. Suzuki, non, j'ai encore d'affection pour lui, mais ce trailer-là, personne n'a compris pourquoi il sortait. Ouais, trailer de il sortait aussitôt. Le problème de Shenmue 3, c'est qu'on s'est vite rendu compte que l'annonce à l'E3, c'est surtout ça vous dit que je fasse Shenmue 3? Ok, bon, ben voilà, je m'y mets, mais demain, je commence demain. Non, mais ça a été un appel. Voilà. Et effectivement, le Kickstarter, après, si tu regardes le Kickstarter, tu regardes ce qu'ils ont levé comme fonds, mais tu regardes le nombre de gens qui ont backé, tu t'aperçois que c'est pas énorme. Oui, c'est ça, c'est des gens baqués. Après quelque part, c'est beaucoup d'argent, entre guillemets, pour un Kickstarter, et pour faire un jeu comme Shenmue, c'est peanuts, en fait. Ben, je sais pas, tu prends, il y a 25 000 personnes qui ont baqué pour 5,5 millions d'euros. Et le ratio, il est dingue. C'est exceptionnel. Et le premier, je crois que les deux jeux... C'est 100 millions. Voilà. Je crois à peu près 100 millions pour les deux jeux. Non, mais on sait très bien qu'il y a 5,5 millions... Tu feras pas un monde ouvert. Après, le problème, c'est aussi de faire des stretch goals. Rajouter des sous, on vous met une deuxième carte. Rajouter des sous, vous aurez un doublage dans cette langue-là. J'ai trouvé la communication et la façon de faire totalement horrible. Et oui, 5,5 millions pour tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire des PNJ avec des visages différents. Ils veulent faire... Compliqué. 5... Voilà quoi. S'ils n'ont pas un apport d'argent autre... Pour l'instant, le jeu, ça fait officiellement 3 ans qu'il est en développement. Mmh. On n'a pas vu grand-chose à part des petites images. Il y a le dernier trailer là qui vient. Ouais, il était pas vilain, le dernier trailer, honnêtement. Hein. Bah, les visages, c'est un peu. Voilà. Les visages, c'est toujours pas. Il faut sortir. Je crois que ce qu'il faut faire avec ce Shenmue 3, c'est sortir de l'aura Shenmue et se dire que ça va être un jeu indé. Les gens vont être déçus. Hein. Même les gens qui aiment Shenmue et qui ont backé savent qu'ils vont être déçus. Ils le disent eux-mêmes. J'en connais quelques-uns qui le disent. Ils vont être déçus, mais c'est la suite, c'est la fin. C'est une partie de la fin. Perso, je pense que le plus gros problème de ce jeu, c'est qu'il porte le nom Shenmue. C'est il y a la légende derrière. Parce que moi, tu vois, juste le truc, c'est que en fait, moi, j'ai baqué le jeu, en fait, le 3, là, parce que voilà, j'ai quand même la fin. Mais c'est qu'à l'origine, déjà, de toute façon, lui, Yu Suzuki, il était même prêt à sortir la fin en roman. Hein. Mais c'est ce que je voulais, moi. J'étais content. Donc, du coup, avec 5 millions, sans compter qu'en plus, alors. Évidemment, c'est pas énorme, mais quand t'as pas la distribution qui correspond parfois à 30 ou 40% du prix d'investissement, c'est colossal, hein, je veux dire. Quand c'est Sony qui s'en occupe, c'est déjà pas mal. Donc du coup, ils peuvent vraiment faire un jeu. Moi, le truc qui me fait peur, c'est que le Shenmue 3, en fait, se limite vraiment qu'à un jeu narratif, en fait. Que c'est vraiment un jeu, tu sais, où t'aurais juste l'essentiel pour raconter l'histoire et pas tous les à côté, justement, de tout ce qui fait la force de Shenmue. Et bien justement, moi, je pense que c'est ça, qu'on voilà. a, moi, je pense. Hein. C'est ça. Mais moi, je suis pas tout à fait convaincu à cause du temps rallongé à chaque fois, parce qu'il y a quand même de l'avancement, parce que en étant en bas quand même, en bas quand même. Mais oui, mais il est là. Tu sais pourquoi il est rallongé ? C'est Suzuki qui l'a dit lui-même. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Ouais. En baquant le truc, c'est qu'en fait, j'ai les informations, tu sais, toutes les deux semaines ou tous les mois, c'est ouais. de l'avancée du truc. Et j'ai les images régulièrement. Et il y a un vrai suivi sur le truc. C'est pas vilain, hein, franchement. Non, c'est pas vilain. Mais le problème, c'est que Suzuki l'a dit lui-même. Il ne développe plus. Il ne programme plus. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est donner ses informations aux gens. Et le problème, c'est qu'entre sa vision à lui du jeu et ce que les gens vont en faire derrière les points, il y a un problème. Et c'est difficile, je pense que c'est difficile pour lui aussi. Et c'est pour ça que c'est dur. Ouais, parce qu'il ne peut plus s'en charger lui-même. C'est les autres qui font à sa place. Il ne faut pas espérer grand-chose. Il faut vraiment, peut-être même pas seulement du côté indé, mais voir le truc comme... pas indé, mais genre, tu sais, les jeux, ce qu'on appelle les jeux double A, tu vois, ce genre de truc-là. Ouais, oui, et ben moi je le vois plus presque, enfin c'est, je sais pas, c'est peut-être de la mauvaise foi, mais vraiment comme une vraie continuité à Shenmue, quoi. C'est genre comme si, c'est vraiment, alors évidemment il sera pas techniquement du niveau de Shenmue 2, en tout cas ce qu'on a vu, on en est loin quand même. Mais tu vois quelque chose qui serait qui rendrait l'œuvre vraiment cohérente dans son ensemble, tu vois. C'est, enfin je sais pas. Ouais, mais malheureusement comme il l'a dit Monsieur Chou, tout ce que Shenmue 1 et 2 ont fait ou apporté. Le fait que ce soit un maître étalon graphique, il a inventé le monde. Ah oui, non, mais il faut plus compter là. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Il va pâtir de ça. Oui, je sais. En réalité, il n'y en a pas besoin. C'est pas grave, ça. Ouais, mais parce que Shenmue, bon, on n'aime pas ça. Comme je l'ai dit, il a quand même. Alors, il a remis au goût du jour les QTE, mais c'est pas sa plus grosse contribution. Je parlais d'attendre pour aller faire une quête ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est des trucs maintenant que tu retrouves partout. Enfin, moi, en le disant, je me suis dit, putain, c'est comme GTA 3, en fait. Enfin, tu vois. Ouais, mais en termes de rythme, ce que tu faisais à l'époque, tu le fais pas mal. Voilà, en termes de rythme. Et puis maintenant, c'est pas possible. Ça plaira qu'uniquement aux 25 000 joueurs qui ont backé. Je vais leur redire, mais maintenant, il y a eu Yakuza. Il y a eu. Oui. Bah, il y a eu. Dans une moindre mesure, GTA aussi, finalement. Enfin, tous ces jeux. Ah, mais en termes de monde ouvert, GTA, oui, bien sûr. Pour être clair, Yakuza, c'est vraiment le fils spirituel de Shenmue. On aura beau tourner dans tous les sens, sans Shenmue, il n'y aurait pas eu Yakuza. Je pense pas, clairement. Ouais. Vraiment, il reprend exactement la recette de Shenmue en termes de monde ouvert, en termes de l'idée, comme dans le premier, de faire un endroit qui est assez réduit en taille, mais avec une vraie vie et des PNJ qui ont vraiment des activités, tout ce genre de choses. Oui, il reprend le côté des bastons en fluidifiant, en les mettant en permanence. On peut avoir des bastons avec des PNJ dans la rue. Et le truc, c'est que même la recette Yakuza a considérablement évolué depuis le premier. Oui, oui, c'est par vrai. Touche, par à-coup, il y a eu beaucoup d'épisodes, mais ça a évolué. Donc, si Shenmue 3 ne tient pas compte de tout ce qui s'est passé depuis, oui, ça va être compliqué. On se retrouve dans le même cas, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de Bloodstained. Bloodstained, s'il refait un Symphony of the Night, ça passera pas. On n'est plus il y a 20 ans. Bah, c'est surtout que des Symphony of the Night, maintenant, il y en a qui sortent tous les jours. Rien qu'au jour. Attends, c'est quoi le jeu Metroidvania qui est sorti encore aujourd'hui? Ouais. Que tous les streamers sont en train de jouer? Ben voilà. Sur Switch Peut-être. Ah non, tu parles de Dead Cell peut-être? Non, pas Dead Cell, il y en a un qui vient de sortir. The Metronome, Metro. Messenger. Messenger, The Messenger. Mais c'est pas Metroidvania, The Messenger. Bah, il y a une partie Metroidvania en fait. Ah d'accord, je savais pas, parce que moi j'étais resté sur la... Moi non plus. L'action moi plateforme, moi... Voilà, mais il en fait... Non, mais le jeu, il n'est pas forcément obligé de nier tout ce qui a été fait entre-temps. S'il prend un autre chemin, mais juste le côté narratif, imagine que ça aurait pu être un roman, quoi. Mais après, on en revient toujours au même, ça plaira uniquement à ceux qui aiment. Ouais, mais c'est pas grave ça, parce que imagine, ça pourrait être, en fait, ça pourrait presque faire un genre comme un jeu de Telltale, quoi. Tu sais, ça se trouve chez nous trois, ce sera carrément mais ce genre de. Alors, c'est pas grave, oui et non. Vas-y, Lyon, vas-y. Bah non, moi je serais pas cool. Non, parce qu'on a dans les jeux narratifs en ce moment, on a les jeux de David Cage qui marchent extrêmement bien. Je veux dire, Détroit marche très bien. Ouais. Mais le problème, c'est que Shenmue proposera pas un Détroit, puisque Shenmue ne proposera pas plusieurs histoires. Il n'y a qu'une trame narrative. Il n'y aura qu'une trame narrative. Donc ça ne pourra pas être uniquement un jeu narratif, parce que là, un jeu narratif avec une seule trame narrative. Oui. Mais je sais pas comment il va présenter le truc. Ça sera le CD2 de Xenogears. C'est pas gentil. Je vais la clipper celle-là, je crois. Non, mais on va voir. Non, mais de toute façon, il y a l'air d'y avoir des systèmes de combat où on voit carrément le Ryu là, dans les mêmes poses justement des techniques de combat de Akira. Ça, franchement, ça a l'air de pas si. Enfin, je veux dire, ça a l'air intéressant quand même. Ce qu'on voit, c'est un peu comme la bande-annonce sur Street of Rage 4, c'est qu'on voit rien pour l'instant, quoi. Oui, mais bon. Voilà, on voit un trailer avec de très beaux décors et une musique exceptionnelle. Et le fait en plus de repousser la sortie du jeu à dans un an, quand tu fais un trailer pour dire mon jeu il sort dans un an. Avec une date fixe, c'est la première fois qu'il donne une date. Ouais, c'est une Kingdom Hearts 3, ça, c'est bon. Mais bon, il donne une date fixe, c'est la première fois. Et je t'avais dit en plus, c'est con, hein, mais ça avait un côté rassurant, hein, ce décalage d'avant, quoi, je trouve. Tu viens de dire un truc de ouf, Beyond. Kingdom Hearts 3 sort la même année que Shenmue 3. Mmh. Sachant que Kingdom Hearts 3, on l'a déjà attendu une éternité. Ouais. Oui, fait partie des jeux que j'attends aussi. C'est ouf. Et tu te dis que Shenmue 3, en fait, on l'attend encore depuis plus longtemps. Non, c'est pas vrai, parce que Shenmue 3, en réalité, avant 2015, personne ne l'attendait. Hein. Si. On avait tous un espoir, même si on se disait que le jeu sortirait jamais. Je me souviens sur le site qui s'appelait. Parce que moi j'en avais un. Hein. Sur le site jeuxvideo.fr, il y avait un des journalistes. Je sais plus c'était lequel. Je crois que c'était Kevin. Bref, je sais plus. Qui à chaque 3 disait son attente, Shenmue 3. À chaque 3. Ça c'est un irréductible, effectivement. Ça doit être il un disait, fan. Moi qui a j'attends Shenmue 3. Alors il disait, bon. si jeuxvideo.fr avait tenu jusqu'à 2015. là, le mec, j'aurais juste voulu voir sa réaction, tu vois. Non, mais après, il faut pas oublier aussi de dire que Shenmue 3, c'est 3 un demi. Parce qu'il y aura certainement Shenmue 4 et Shenmue 5. Oui, je pense aussi. Je veux savoir à combien de chapitres il correspondra, en fait. On sait pas. Pour moi, ce serait vraiment pas une bonne idée de faire ça, hein. C'est prévu depuis le départ. Il avait prévu vraiment de découper son jeu de telle manière, sauf que on sait pour le 1 et le 2, mais le 3, il y a encore eu des grosses énigmes de la partie de 6 à 16. C'est ça. De 7 à 16, tu sais pas comment c'est coupé. Ouais. Mais tu sais que le 3, ça sera pas la fin. Ça sera une partie de la fin. Ouais, parce mais que là, non, ils vont pas en avoir marre. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils mettent 10 chapitres comme ça dans un avec 5 millions et demi, tu le fais pas. Regarde chez nous, 1, c'est 1. Oui, 40 millions. Oui, mais bah, entre-temps, il s'est écoulé 15 ans et le mec sait que c'est sa dernière chance, là. Je sais pas comment il pense. Suzuki, je ne sais pas comment il voit les choses. Honnêtement, hein, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment il perçoit le jeu vidéo maintenant. Comment il perçoit son public de maintenant. En plus, je veux dire, au Japon, à 15 ans, tu sauves le monde. À 20 ans, tu es le grand maître Seinen de la mort. À 60 ans, il n'en a plus pour longtemps, le gars. Hein, donc, il faut qu'il achève là, son œuvre. Là, donc, Non, mais après, c'est vrai qu'on se pose toutes ces questions. Mais moi, le premier, j'aime vraiment chez nous. Mais je suis dubitatif. Je suis dubitatif parce que je me dis aussi, comment il va faire pour intéresser les nouveaux joueurs alors que la compile qui est sortie a été adaptée avec les pieds, que les retours qu'on a de joueurs nouveaux qui découvrent le jeu maintenant, le retour il est compliqué, il est horrible. C'est, alors ça, c'est une vraie dichotomie entre les joueurs qui rachètent Shenmue HD et qui l'ont connu à l'époque en disant « Ah, c'est le meilleur jeu de l'univers » et les gens de 2018 qui découvrent le jeu maintenant et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est cette merde ?» moi, j'adore le jeu. Je connais ses défauts, mais voir les joueurs de maintenant dire « C'est pas bien », je comprends. Il y a 18 ans qui sont passés. Il y a des choses que tu peux plus faire maintenant. Et puis même les joueurs qui ont aimé le jeu, ils ont joué à la version qui a été refaite. Là, ils n'étaient pas contents. Hein. Shenmue 1, c'est... Oh bah non, on a suivi Begito, il a adoré. Pas le portage. Il aime le jeu de base. Begito, il fait partie du jeu de base. Mais le portage, il le trouve dégueulasse. C'est la différence. Alors, le portage de Shenmue 1 a beaucoup de problèmes. Oh oui. Le portage de Shenmue 2 est beaucoup plus clean, mais le portage de Shenmue 2 s'appuie notamment sur la version Xbox en grande partie. Bien sûr. Il facilite considérablement le travail de portage. Bon, c'est la première fois, évidemment, qu'on voit le travail d'un jeu Dreamcast porté comme ça sur console moderne. Ça fait un petit peu peur. La Dreamcast, c'est compliqué, quoi. Ça fait un petit peu peur pour si jamais il y aurait des ambitions de porter d'autres jeux. Par le passé, on avait vu notamment Jet Set Radio Future ou Ikaruga, mais qui avait connu beaucoup plus de bonheur. Oui, Ikaruga, sur le PSN, oui, c'est vrai. Mais là, pour le premier Shenmue... C'est invraisemblable. Je comprends pas comment ils ont pu laisser passer ça. Bah après, c'est ce que je te disais aussi l'autre jour, c'est que ça dépendait aussi des versions. Hein. Par exemple, sur PS4, le Shenmue 1 et 2 était en 1.1 dans les mises à jour, alors que la version Xbox était en 1.3. Oui, enfin, bon, ça, je suis d'accord, mais ça change pas mal le jeu est sorti en attendant. Va regarder la version PC et regarde le patch qu'ils ont mis pour la version PC. C'est invraisemblable, tout ce qu'ils ont patché. Et ils te disent, version console, on ne sait pas. Ça viendra. Oui, non, mais attends, je ne sais pas pourquoi. Les PC ont toujours les versions les plus moches, au final. On s'en fiche, le jeu est sorti. Si le jeu n'était pas prêt, il n'était pas prêt. Là, le jeu, il est sorti, donc il est prêt. Hein, c'est pas... voilà. Tu peux pas adapter un jeu et rajouter des bugs qui ne sont pas sur la version d'origine. Un jeu de 18 ans. C'est compliqué, maintenant. Va vendre ça à des joueurs qui connaissent pas le jeu. Alors, j'invoque Bethesda. En plus, je dis ça, je suis un salaud parce que je crois que c'est même pas vrai. Genre Skyrim, il ressort mais avec les mêmes bugs. Ah oui, Skyrim, ils sont tel quel. Oh là. Mais il n'y a pas des nouveaux. J'ai peut-être été mauvaise langue. Non, mais après, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sors une compile juste avant la sortie de Shenmue 3 et tu dis aux nouveaux joueurs, voilà. Compliqué. Il faut qu'ils intéressent quand même des gens. Ouais, mais même la version Sega Mega Drive classique s'est retrouvée avec des petits défauts, hein, des petits machins. Quoi, mais bon. Ouais, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu les as vus, les bugs. T'as vu les bugs de sauvegarde. Ouais, mais c'était des bugs qui étaient même pas sur Mega Drive non plus. Les bugs sur un jeu, tu peux pas sauvegarder. Ça t'efface la fin de ta partie. Bon, mais sur le coup, on va finir ce débat infernal et éternel en dehors de l'antenne, parce qu'il est déjà quasiment 23h30, je pense qu'on a largement ajouté. Dépassé. Sur le coup, on garde le jeu de Monsieur Chou, on te garde ton jeu au chaud. T'inquiète pas, il va pas sauver, t'inquiète. Et donc sur le coup, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, moi le premier, on verra, qui vivra verra. En attendant, Yu Suzuki, ça fera pas oublier ce qu'il a fait. Jamais. Et ce qu'il a apporté, voilà. Ça restera un grand bonhomme du jeu vidéo. Ah oui. Non, mais c'est bien qu'on en parle parce que les gens ont tendance à l'oublier maintenant. Même si sa folie et sa démesure l'ont mené à sa perte, ça a quand même été sa marque de fabrique pendant toutes ces années. On l'a vu donc avec les bandes d'arcade complètement folles quand il était à l'origine. Et l'innovation qui nous a permis de jouer à des jeux en 3D modernes, parce que non, il n'y a pas que Nintendo qui a inventé le jeu vidéo en 3D. Ah bon? on m'aurait menti. Mario 64, Ocarina of Time, oui, mais il n'y a pas eu que ça. Et puis c'était après Yu Suzuki tout ça quand même. Hein. Ouais, vous parlez de la 3D, vous parlez pas de Legend of Phyrexia, je vous déteste. Oui, on a c'est de bonnes raisons de faire ça. Pour conclure, hein, voilà, donc Shenmue, grand jeu et tout, tout le monde n'aime pas, mais pas dénuer son impact aussi sur le monde. Yu Suzuki, grand monsieur, indéniable. Et donc ça va conclure le podcast. Mais pour les news, j'avais un truc super important à dire. Vas-y, fais-toi plaisir. Super important. Alors, peut-être pas important pour tout le monde. On parlait justement de la préservation du patrimoine, blabla, dans le précédent podcast et tout. Square Enix va retirer de manière définitive de la vente The Last Remnant. Oh, mais je te l'avais signalé, ouais, c'est fou ça. Donc, jusqu'au 4 septembre. Alors, j'ai compris sûr qu'il l'enlève de Steam. Mais j'ai cru comprendre que sur Xbox 360, ça allait suivre le même chemin. Je ne suis pas certain pour la version 360, mais la version Steam, elle coûte 10 balles, et c'est un bon RPG. Il n'est pas connu du tout. Il n'y avait pas une version GOG aussi de Last Remnant, uniquement une version Steam. Il me semble qu'il n'y avait qu'une version Steam, mais, voilà. Mais voilà, c'est un bon RPG qui est super chelou, le système de combat est super chelou. Mais... Très difficile, hein, je trouvais aussi. Mais voilà. Mais bon. Il était pas équilibré en fait, il fallait jouer à la version PC. Et justement, ouais, la version PC. La version 360, elle était pas très bien. C'est là que je l'ai découvert. Elle a été améliorée, la version PC. Voilà, la version PC, c'est la version plus premium, quoi. Donc voilà. Mmh. Ah ouais, d'accord. Totalement. Et on sait pourquoi il l'enlève. Parce que c'est incompréhensible. Et bah, il n'y a aucune. Décider comme alors, ça. De... Alors, c'est peut-être secret de vie. Peut-être parce que ce jeu. Plus envie de payer les versions. Les licences de l'Unreal sur lequel le jeu tourne, j'en sais rien. Ou alors peut-être de l'espace serveur, étant donné que peut-être le jeu se vend pas, ou je sais pas. Ouais. Ça me paraît très gros quand même, mais bon. Ouais, mais vu qu'ils communiquent pas, ils te disent on enlève, voilà. Pour l'anecdote, ce jeu, il était jusqu'en 2015 et 2016 dans le top 10 des jeux les plus attendus sur PS3 au Japon. C'est vrai. C'est du délire. Les Japonais l'attendent encore. Ouais, mais c'est un jeu au Japon qui a bien marché, que les gens aiment bien. Sauf qu'ils voulaient pas y jouer sur une console Microsoft, et donc ils l'attendent sur une console Sony. Ils pourront toujours attendre. D'ailleurs, c'est la semaine dernière, je crois, le jeu qui s'est le plus vendu au Japon, mais genre qui a foutu une grosse tarte à tout le monde, c'était un jeu Microsoft, ça m'a fait rigoler. C'était quoi? C'est une arnaque, mais c'est quand même Minecraft. Minecraft. Ouais, d'accord. Minecraft sur je sais plus quelle la version Switch, je sais plus, bref. Et dire que ça marche encore Minecraft, c'est incroyable. Ouais. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, si vous voulez The Last Remnant à 10€ sur Steam. C'est maintenant. Voilà. Faut aimer les RPG, faut aimer les. Bah si vous voulez conserver le jeu. Un peu émergent. J'aimais bien la DA du jeu. Mais voilà. Il y a Forza 2 aussi, Forza Horizon 2, qui va disparaître aussi. Et aussi sans raison. Sans raison. Et alors lui, par contre, c'est dans 2 jours, hein, je crois. C'est direct au mois de septembre, c'est fini. Ça ? Non ? Ah oui, là, par contre, c'est bizarre. Ça. Non ? Je sais plus. Je sais pas. Bah si, là, la raison, c'est on voudrait pas qu'il fasse de l'ombre à Forza 3, je suppose. Oui. Bref. Pardon. C'est très bête comme excuse. Bah, je vois que ça... Hein. Oui, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'était mes petites apartés de fin, pour revenir à la conclusion. Le podcast infini. Ouais. Bah, merci à tout le monde pour ce joli podcast. Merci aux gens du chat. Merci aux gens de YouTube qui nous écouteront. Merci aux gens qui étaient là, nous écouter. Et bonne nuit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures en ces lieux. Nous ne savons pas sur quoi, nous ne savons pas quand, mais. Comme d'habitude. Hein. C'est ça. Allez, des bisous, les gens. Des bisous, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah.